bienvenue à Wipe Sa Trash, le podcast québécois de World of Warcraft. Troisième épisode de Wipe Sa Trash, je suis votre animateur Benjamin et je suis avec le co-animateur comme d'habitude, Jean-Christophe, JC, comment ça va? Allô Benjamin, ça va bien, toi? Moi ça va pas pantoute, j'ai une grippe là. Grosse grippe d'homme mon gars? Ouais, une grippe de merde, ça fait vraiment chier. Hey, ça fait longtemps qu'on a pas fait de show, hein. Ça va faire quoi, un mois? Ouais, ben justement, on vous annonce qu'il y a une nouvelle expansion qui va sortir bientôt. Non, elle est déjà sortie, c'est ça, la joke. Mais ouais, c'est ça. On a manqué bien des affaires un mois. Fait qu'on va avoir pas mal de choses à parler aujourd'hui à l'émission. Ben premièrement, là, on va commencer comme d'habitude, comme qu'est-ce qu'on fait d'habitude, pas facile. On va commencer avec notre semaine de gaming. Tu peux-tu nous dire qu'est-ce que t'as fait cette semaine, JC? Oui, certain. En passant, je tiens à m'excuser parce qu'on n'est pas fiable. Puis 12 épisodes aux 2 semaines, ça n'a pas tenu, là, mais bon. Regarde, on fait ça pour le fun. Fait que. Bon, cette semaine. Oui, cette semaine. J'ai joué, ben, nécessairement à World of Warcraft. Hein? Puis j'ai joué pas mal en plus de ça. Comment ça, t'as joué à World of Warcraft? Écoute. Parce qu'il faut se préparer pour les raids, faut se gearer, parce que ça s'en vient tranquillement. Ouais. Fait que je me suis donné pas mal là-dedans. Mais j'ai eu le temps quand même de faire d'autres choses. Justement, récemment, j'ai commencé à jouer à Heroes of the Storm. On va pouvoir en reparler un petit peu plus tantôt, hein, mais ça, c'est bien cool. Et aussi, ça n'a pas vraiment rapport avec les jeux vidéo, mais j'avais parlé... premier ou deuxième épisode que j'avais commencé la série de manga Akira, ben je suis rendu dans le dernier tome, fait que ça avance, c'est vraiment hot, fait que clenchez-vous ça, que c'est pas mal ça là, c'est ça. Des tomes, tu lis ça, tu les as acheté, comment tu lis ça? C'est 6 livres, c'est 6 gros livres de comme 300 pages, mais c'est des BD dans le fond. Ah ouais? Ouais, c'est 40. Je t'ai passerai si tu peux. Tu m'y passeras, man. J'ai goût de... C'est vraiment malade. En tout cas, moi, ma semaine, pas dure. Ça a été pas mal de wow. J'ai été malade aussi beaucoup cette semaine. Fait que... J'ai été malade. Fait que j'ai pas eu le temps vraiment de me guérir. Là, t'sais. Fait que mon bonhomme, il est pas très, très guéri en ce moment. Là. Juste comme genre 6-36. Là. C'est pas vraiment bon. Non, mais c'est ça. J'ai pas mal joué à WoW. Puis pas mal rien fait d'autre à part de ça. Là. J'ai guéri mon bonhomme, checké les guérisons. Un peu comme tout le monde, en début d'expansion. Fait que c'est vraiment cool. Heroes of the Storm, j'ai pas joué avec vous autres. Vous avez eu le temps de jouer cette semaine, mais j'ai, pour les prochains jours, c'est sûr que j'ai le goût d'essayer ça avec une gang au lieu de jouer tout seul. C'est vraiment plat de jouer tout seul. Ouais, cool, man. C'est vraiment hot en gang là, comparé à tout seul. Là. Mais là, avec l'expansion qui est sortie, toi, à date, comment tu trouves ça? Juste grosso modo, là, ton appréciation de l'expansion? Bien. Juste bien? Ben, c'est grosso modo. Ouais. Non, mais non, sans niaiser, regarde, je suis super satisfait. Y a une couple d'affaires qui me gossent quand même pas mal à comparer aux commentaires généraux du monde. Là. Ouais. J'ai bien du fun, mais j'ai bien des affaires qui me gossent. Ok. Fait que, moyen, dans le fond. Non, mais l'expansion en tant que telle est écœurante, là, mais c'est... Mais t'as bien des affaires que... Ouais, c'est ça. Moi, je suis comme pas... ben, je suis vendu, là, je trippe vraiment gros pis tout, mais pareil, c'est comme pas un 100% pour moi, là. Ouais. C'est un peu de même, moi aussi, que je me sens, là, avec l'expansion. J'ai vraiment de fun, j'ai joué beaucoup, sauf que je suis comme pas sûr à 100% de toutes les affaires encore. J'imagine qu'avec le temps, peut-être qu'on va apprendre à apprécier ces choses-là. Peut-être pas non plus. Sauf que c'est un peu de même que je me sens face à l'expansion. Là. J'ai hâte de voir pour la suite, là, surtout quand les raids vont sortir. Ben, c'est justement, nous autres, on fait pas mal juste les raids. Si tu checkes comment qu'on jouait de l'expansion, là, on était on pendant les soirées de raid. Par personne, on jouait pratiquement pas. Fait que, regarde, ça sort là, fait que ça va ressembler à ça. De toute façon, moi, je suis bien content. Ouais, ouais. vu que ça fait 3 semaines, quasiment un mois qu'on a fait une émission, il y a eu quand même beaucoup de choses qui sont passées, dont le BlizzCon. On avait dit qu'on ferait une émission spéciale, on n'a pas eu le temps, on a des vies vraiment. On a perdu l'enregistrement dans l'avion en s'en revenant. Ah, là, c'est ça, ouais. On n'a pas été chanceux. On va reparler un peu à soir. Ça a comme explosé. C'est ça. Pogné en feu à quelque part, là. Mais... fait qu'on va le refaire un petit bout, tu sais. On va le refaire en gros à soir au lieu de le refaire au complet, là, parce que, tu sais, on avait pour comme 5 heures à parler, là, tu sais. On a couvert tous les panels, c'est vraiment malade. Ouais, c'était même plus long que le BlizzCon, là, en tout cas. On avait même une entrevue avec le CEO de Blizzard, là, c'est ouais, vraiment ouais, cool. Une entrevue avec toute la gang chez Blizzard, c'est, en tout cas, c'était vraiment fou comme podcast, mais bon. On va refaire juste un petit résumé de ce podcast-là. C'est perdu, mais bon. Fait que BlizzCon, c'est quoi la grosse nouvelle, là? La grosse nouvelle qu'on a eue. La nouvelle, c'est que Blizzard, ils sortent un nouveau IP. Nouvelle propriété intellectuelle, un nouveau jeu. Un truc qu'ils n'ont pas fait depuis 17 ans, si ouais. Je me trompe pas. Ben, ils ont sorti c'est des ça. Jeux. Mais pas une nouvelle franchise, si tu veux. Fait que c'est vraiment nouveau, là, ça. Nouvel univers. Oui. Des nouveaux personnages. Tout. Oui. Tout du nouveau. Rien de réchauffé. C'est pas du Heroes of World of Warcraft of Ghost, là. C'est pas ça, là. T'sais, c'est nouveau, nouveau, nouveau. Okay. Puis ça a l'air hot. Puis comment ça s'appelle? Overwatch! Oh ouais, man, ça va être malade. Ça s'appelle pas The Dark Below? Non, c'est une expansion de Destiny. Ah, ok. Ouais, c'est ça, parce que le monde, il pensait que ça allait être peut-être ça comme nouveau jeu. Ben non. Ben, fait que Benjamin, c'est quoi Overwatch? Ben, c'est un jeu vidéo. Non, mais pour vrai, c'est un tu peu... Tu couperas ça dans ma poche. Ben non, c'est parfait, ça. C'est un first-person shooter. Le monde dit à la Team Fortress 2, sauf que j'ai jamais joué à Team Fortress 2, fait que je peux pas savoir. Puis, dans le fond, t'as des habilités, c'est des bonhommes, des habilités spéciales, un peu à la MOBA. Puis, c'est un peu ça. Tu vas avoir des objectifs, t'auras pas de deathmatch, de team deathmatch. Ça va être un peu un jeu de stratégie, un petit peu plus que juste faire de la viande avec les autres. Ben, la mécanique, elle ressemblait beaucoup à la mécanique d'un MOBA. Là. Ouais, c'est je trouvais ça. Il n'y a pas l'air d'avoir des minions, par exemple, là, mais ça semblait bien gros une mécanique d'un MOBA en first-person shooter. Fait que c'est pas mal du jamais vu, là, à moins que je me trompe ou... Mais c'est ouais. Quand quelque chose de nouveau, là, il se lance. Là, fait que ça a l'air bien intéressant, là. Mais on n'a pas vu beaucoup de gameplay. On a vu un petit peu de gameplay de chaque bonhomme qu'ils ont montré au BlizzCon. Ouais. Mais qu'est-ce qui était vraiment, vraiment intéressant à propos d'Overwatch, c'était le cinématique de reveal. Ouais. C'était vraiment magnifique. Pixar. Ah, c'était digne d'un film de Pixar, honnêtement. Là. Ouais. C'était vraiment bien fait. Désolé. Ouais, c'était vraiment bien fait, la cinématique. Puis c'était une bonne introduction à ce nouvel univers-là qui va être Overwatched. Puis c'est juste ça, man. Ça donne le goût de jouer. Ouais, la vidéo donne le plus le ouais. Goût de jouer que la vidéo de gameplay, là, tant qu'à moi. Là. Ouais. Ouais, puis cette année, dans le fond, BlizzCon, ils ont l'air d'avoir mis beaucoup l'emphase sur les e-sports. Puis c'est un nouveau jeu-là, Overwatched. Je pense que ça va faire... ça va être bon pour le e-sports, ça. Puis je pense que ça va être cool à regarder. Un peu, tu sais, comme StarCraft, quand on regarde ça avec les commentateurs puis tout. Puis ouais. Je pense que ça va faire des bonnes games, ça. Ouais. Puis d'ailleurs, on a regardé la finale de StarCraft aussi. On a fait ça. Ouais. C'était assez cool. Celui qui a gagné, c'est celui que personne ne s'attendait à ce qu'il gagne. Ouais. C'est un beau revirement. C'est un super match. Là. On cheerait tous sur mon divan. Là. C'était vraiment cool. Là. Oh, ouais, c'est vraiment cool à regarder du StarCraft là, avec un commentateur et tout. Et on a eu aussi Hearthstone. Comment tu trouves ça, Hearthstone eSport? T'as regardé ça et commenté? Pis j'ai pas regardé. Ça m'intéresse pas vraiment. Ouais. Je joue plus au Magic dans la vraie vie, fait que ouais. Hearthstone c'est un petit peu moins pour moi là. Je joue aux cartes en vrai au lieu de jouer sur l'ordi, fait que je peux pas. Ouais. Moi je trouve que bah ce que j'ai regardé un petit peu, puis ce qui est le fun de Hearthstone, c'est qu'il y a souvent des arrêts de jeu. puis le commentateur a le temps d'expliquer la stratégie, puis c'est le fun, mettons, pour apprendre à jouer. Puis tu comprends comment que le gars qui est un professionnel de Hearthstone, tu comprends un peu comment il joue, pourquoi il fait telle stratégie, puis le commentateur t'aide à comprendre ça. Je trouve ça cool. Sauf que pour comparer à StarCraft, je trouve que c'est pas comparable parce que StarCraft, tout se passe vite. C'est comme une game de hockey. C'est pas les mêmes skills qui sont requis, mettons. Non, non, c'est ça. Hearthstone, tu sais, ça bouge pas vite, tu prends ton temps, tu réfléchis, tandis que l'autre, t'as pas le temps de réfléchir, là, c'est, tu y vas, man, puis... La game se joue pas au même niveau, là, ça, c'est sûr. Mais ben, t'as-tu vu le stage qu'ils ont amené cette année pour Hearthstone? Ouais. C'est assez malade, là. En tout cas, ils se sont vraiment donnés... ceux qui étaient là, ils devaient triper parce que le setup était au rendez-vous, en mot t'as dit, en tout cas, là. Nous autres, on le voyait pas ben, là, avec... Le billet en ligne, on le voyait un petit peu une fois de temps en temps, mais sinon on voyait plein écran sur le match. Fait que, mais j'imagine que le monde là-bas doit avoir trippé. Là. J'ai lu bien des commentaires de monde qui était là-bas, puis ils ont dit que les stages c'était fou. Là. Mais ouais, c'est clair. Yeah, ça pour les stages, c'était vraiment cool. Puis aussi là, pour les e-sports, il y avait l'arena de WoW, les 3v3. Ouais, ouais. On a regardé ça un peu. C'est cool. C'est la pire affaire à checker à TV. C'est vraiment à chier, OK? La seule affaire là, que tu peux checker, c'est la vie, dans le fond. Tu sais, tu checkes la vie. Puis là, quand il y en a un qui meurt, ben là, t'es comme « Oh, si, ils ont gagné! » Mais tu sais, tu comprends pas grand-chose de ce qu'ils font parce que tu sais, il y a comme 6 personnes en même temps. Mais tu comprends, mais il y a trop d'affaires à checker puis ils peuvent pas tout caler, là. Fait que... Moi, ouais. Je trouve que c'est le moins intéressant à regarder de la gang à ouais, c'est ça. Parce que le commentateur, il peut être sur le cas de un à la fois. T'sais, il peut pas être comme sur les 6 à caler. Pourquoi il fait telle affaire, de telle affaire, de telle affaire? Oh, lui, il se cache en arrière du poteau, il conserve sa mana. Trop d'affaires. Fait que ça a été quand même intéressant. On l'a écouté, puis j'ai aimé ça. Là. J'ai pas haï ça. Sauf que c'est pas la même chose. Je trouve que StarCraft, pour vrai, ça va être un peu dur à battre pour les e-sports. Là. Mais Heroes of the Storm aussi, là, probablement que l'année prochaine, ça va être, ça va être sorti là, le vrai release. Là. Ouais. Ça, j'ai bien hâte de voir ça. Bien intéressant à écouter ça à la télé. Pas mal sûr que ça va faire un bon show là, à la hauteur de StarCraft, là, d'après moi, là, parce qu'il y en a des trucs à caler. Ouais. C'est facile un peu à tout voir le battlefield, qu'est-ce qui se passe, puis à décerner qu'est-ce que chaque équipe fait. Je pense que ça va être très intéressant à regarder. Là. Ouais, ouais. Puis t'as pas, à ces jeux-là, t'as pas besoin, mettons, de caler tel bonhomme fait telle habilité. Tu peux juste caler overall, qu'est-ce qu'ils font comme stratégie. Ok, ils sont dans le top, ils font telle affaire. Mais tu sais, ça, c'est sûr que ça va être cool à checker. Là, si on regarde là, sur Twitch. Là. Il y a tout le temps 60 000 personnes et plus qui regardent League of Legends. Fait que c'est sûr que ça se ressemble, c'est le même style de jeu. C'est sûr que le monde va aimer ça. Regardez Heroes of the Storm. Pour... Dans le fond, un autre truc qu'on a checké pas mal aussi, que ben moi, je voulais voir à tout prix, c'est le raid live, course, pas course, entre Midwinter et Method. Ouais. Comment tu trouvais ça, toi, Ben? Ben... Moi, il aurait dû faire une course avec ça. Là. Je veux dire, ils veulent pas faire c'était de course. C'était pas une course. Mais c'était comme pas une course. Mais toi, ils ont gagné, mais c'était pas une course. Mais tu sais, je trouvais ça cool. Là, que tu sais, c'est une petite connerie de rien là, qui a fait qu'au bout du compte, c'est Method qui ont gagné. Là, je pense que c'est Midwinter qui a poulé un bout de trash de plus que Method, eux autres, ont invité. Puis, Chris, quand même, à la fin, là, Midwinter, il était rendu proche. Sans cette erreur-là, il gagnait, là, ouais, définitivement. Sauf qu'ils ont perdu, tu sais. Quand tu perds, tu peux pas juste « Ah, si, pis si, pis si, pis ça. » T'as juste perdu. Mais c'était cool parce que ça nous donnait une bonne aperçu du raid. Pas vraiment des stratégies parce qu'il en parlait pas tant que ça. Ouais. Il parlait un peu de qu'est-ce qui se passait en live, mais il discutait pas vraiment des stratégies. Mais... l'environnement a l'air super cool, ça a l'air grand au bout. Il va y avoir pas mal de trash, je pense. Ouais. Non, j'ai bien hâte à mercredi pour essayer ça. Là. Ouais. Moi, je pense que je vais aller le réécouter, ce bout-là, si on peut, sûrement. Juste ce bout-là, tu sais, pour avant qu'on commence les raids mercredi, voir un peu à quoi s'attendre aussi, tu sais, parce que là, on l'a vu au BlizzCon, mais tu sais, ça se passait tellement vite, ouais, je me rappelle plus de rien, puis. T'sais, fait que juste pour voir les stratégies un peu, voir qu'est-ce qui se passe, sans aller voir un guide complet qui explique de A à Z de quoi qui se passe. C'est juste voir overall, je pense que je vais retourner voir ça. Puis en plus, c'était super intéressant à checker. Je pense que c'était une heure, puis ça a passé, man, comme ouais. 5 minutes. Là, c'était vraiment le fun. Ouais, c'était malade. C'était... Nous autres, on s'est fait une soirée BlizzCon avec un petit peu de bière, puis on écoutait le BlizzCon, puis c'était vraiment le fun, là. Il y avait aussi Diablo 3. Je sais pas si tu avais checké, toi, le panel de Diablo 3. Ouais, j'ai checké un peu. Il y avait pas beaucoup de nouvelles du côté de Diablo 3. Il parlait du prochain patch qu'il allait faire. Puis ça continue à la lancer de Reaper of Soul. Là. Il améliore les items. Ils veulent aussi que tes items, tu les utilises un petit peu plus pour changer tes builds, etc. Ils vont changer un peu les Treasure Goblins. Mais... Sinon, il n'y avait pas de grosse annonce du côté de Diablo. Là. C'était un peu comme le panneau de WoW. Il n'y avait pas de grosse annonce. Non, c'était comme... on va faire un résumé de ce qu'on vous a dit depuis les 6 derniers mois. Ouais. Fait que si vous étiez sur une autre planète, vous allez aimer ça. Sinon, vous allez vous en crisser. Puis c'est un peu ça qui est arrivé. Ce qui est con, par exemple, c'est que ils pouvaient pas... rien dire d'autre. Là, l'expansion sort dans une semaine. Ils peuvent pas dire « Voici la prochaine expansion de la nouvelle expansion qui sort dans deux semaines. » Le timing était pas écœurant pour World of Warcraft. Puis, tu sais, ça aurait été cool qu'ils fassent un résumé de même pour le monde qui check pas normalement les nouvelles de WoW à chaque jour comme nous autres. Là, pour du monde plus casual qui joue une fois de temps en temps, ça aurait été cool ce panneau-là. Mais pour du monde qui se déplace pour le BlizzCon, des gros crises de fans... Ce monde-là, ils check déjà tout. Là, les autres, ils connaissent tout de A à Z, puis là, tu leur repitches ça t'sais, en résumé, c'est comme... En tout cas, on l'a checké pareil. C'était le fun, c'est intéressant. Pis, on n'a rien appris, par exemple. On a appris des affaires qu'on avait oubliées, dans le fond. des informations plus fiables que ce qu'on a dit dans les derniers podcasts. On a confirmé des affaires aussi. Oui. On avait des points d'interrogation dans les derniers podcasts. Ben, il nous les a confirmés. T'as-tu checké aussi le Q&A? Non. Pas partout. Non, pas checké. Non, c'est juste le gars avec le chandail rouge qui bouge tout le monde à chaque année, il est là. Ah ouais, il est là tout le temps. Je sais pas. J'écoute pas ça. Le Q&A, ça m'intéresse pas tant que ça. C'est du monde genre qui essaie de boucher les développeurs de WoW avec des questions sur le lore. Là. Ouais. Pas tout le temps, là, mais il y en a qui s'essayent. Là. Je trouve ça un peu ordinaire, là, mais en tout cas, t'as checké un peu. Le red shirt guy, là, lui, qui est. Yes, qui était fort, c'est comme en 2008, là, il y a genre bouché Chris Metzen. Là, fait que, il est rendu full populaire à cause de ça. Là, mais non, c'est ça. Mais il paraît que j'ai pas vraiment checké. J'ai lu vite les questions. Puis ça m'avait pas vraiment intéressé. Puis il y avait pas de quoi d'intéressant. Puis tout. Puis après ça, j'ai écouté un podcast. Puis il parlait, lui, des Q&A. Puis il était en tabarnak. Là. Il disait, les Q&A, man, cette saison-là, c'était vraiment de la merde. Je pense qu'à un moment donné, il y a un gars qui a demandé pourquoi que Troll, il y avait des... c'est le seul orc à avoir comment on appelle ça? Cils? Des piercings? Des cils? OK. Si bon. Okay. Fait que là, il était comme, Chris, pourquoi il a demandé ça? C'était un Q&A au BlizzCon. En tout cas, il était en crise. Fait que il paraît que c'était pas super, là, les Q&A. Ouais. Ben, c'est pour ça qu'on l'a pas écouté. Y a-tu eu d'autres choses au BlizzCon, sinon? Ben, moi, ça. Il y a eu le reveal de la dernière expansion de StarCraft. Ben, la prochaine expansion, ouais. C'est gros, ça, c'est-tu? Ouais, c'est gros. C'est gros, je suis pas un joueur de StarCraft tant que ça. Toi, Ben, un peu plus. On sait que c'est la dernière expansion de l'univers de StarCraft pour l'instant. Fait que ça va clore, dans le fond, tout l'arc narratif de Jim Raynor puis de Kerrigan. Tout ce qu'on a suivi depuis StarCraft 1 et jusque dans StarCraft 2, etc. Ça clôt là, toute leur histoire, donc... on va peut-être être quelques années là, sans StarCraft. Là. Ouais, fait que c'est ça. Puis, vu que c'est la grande finale, ça veut pas dire qu'on n'aura plus jamais rien de StarCraft. Mais c'est ça. Ça va peut-être clore pour une couple d'années. Puis, la même équipe qui font StarCraft vont peut-être aller faire un Warcraft 5, peut-être. Au lieu de. Warcraft 4. 4. Pas 5, ils sont pas rendus là. Warcraft 4. Ça, c'est des spéculations que le monde y dise. Ça se pourrait aussi, mais on sait jamais à quoi s'attendre. Toi, tu penses-tu que Warcraft 4, ça pourrait être possible après tout le lore qui a été mis dans WoW? Ben écoute, ça pourrait être possible. Je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui attendent ça. Moi, personnellement, j'ai jamais été un gros joueur de RTS. Fait que les Warcraft, je les ai survolés, mais sans plus. Fait que je serais super content qu'il y en ait un. Peut-être que ça me motiverait à jouer. Mais pour ce qui est de ma part, j'aimerais mieux qu'ils continuent avec World of Warcraft, tu sais. Dans le fond, là, ils ont pu à rouler deux histoires en parallèle. Ils peuvent continuer dans WoW où c'est qu'ils l'ont laissé après Warcraft 3, puis continuer l'histoire au complet. Là. Ouais. Tu sais, dans le fond, moi, je verrais bien un Warcraft 3 le jour qu'ils vont mettre la clé d'un serveur de World of Warcraft là, tu sais, pour continuer l'histoire où c'est qu'ils l'ont laissé. Tu sais. Ouais. Non, moi, je pense pas qu'ils vont faire un Warcraft 4. À partir de où ils sont rendus dans WoW, puis après ça, il faut qu'ils essayent que ça s'arrange avec WoW puis Warcraft 4 en même temps, le lore. Ça va être un petit peu difficile, je pense. Fait qu'ils vont peut-être sortir même une nouvelle franchise, tu sais, une cinquième dans le fond. Une nouvelle franchise de RTS? Peut-être. Mais moi, je pense qu'on dirait que WoW, ben Warcraft, ils veulent que ça soit MMO. StarCraft et RTS, puis tu sais, chaque univers, ils veulent qu'ils aient leur propre style pour le, mettons, le lore. Puis sinon, ben les autres jeux là, comme Heroes of the Storm, c'est comme un mélange des autres, tu sais. Fait que, mais ce que je veux dire, c'est que les gros noms, Warcraft, StarCraft, Diablo, ils ont leur propre style à eux. Puis je pense que pour Warcraft, ça va rester le MMORPG. Mais ils ont du pain sur la planche aussi là, parce que il y a une expansion de Diablo dans le four, c'est sûr. Il est pas annoncé, mais clairement, il y en a un. Il y a Heroes of the Storm qui est pas fini, puis ils ont de la job de balancement à faire. Ouais. Et puis ils releasent du content régulièrement et tout. Puis Overwatch aussi, là, oublie pas, là, ça doit accaparer là, beaucoup, beaucoup de ressources là, chez Blizzard. Là. Ouais. Je pense pas qu'ils ont tant d'équipes que ça là, à mettre là, sur n'importe quel autre jeu. Là. Il y a une autre expansion de Blizzard, un qui est en train de se faire en ce moment, et un autre qui est à ses débuts, là, à ses premiers balbutiements. Là, fait que, il manque pas de job. Là. Ça me, en tout cas, pour ma part, ça m'étonnerait qu'il y ait un Warcraft qui soit annoncé de si tôt. Mais bon, comme on n'est pas 100% dans nos prévisions tout le temps, ouais. ça pourrait arriver demain. Là, mais bon. Mais mettons, là, t'sais, StarCraft 3 est sorti, puis tout. C'est quoi qu'ils font, l'équipe qui travaillait sur StarCraft? Tu sais, ils envoient pourquoi? Sur d'autres jeux? Et... Ben, ils peuvent aller... Tu sais, RTS et MOBA, c'est pas tant loin un de l'autre. Fait que moi, je vois une grosse bunch là, de l'équipe de StarCraft aller supporter l'équipe de Heroes of the Storm. Ça vaut-tu la peine d'envoyer une couple de développeurs de plus pour Heroes of the Storm, quand on sait que c'est peut-être pas un jeu qui nécessite beaucoup de développeurs? Ouais, regarde, je connais pas assez ça pour répondre. Moi, je pense que cette équipe-là au complet, qui est bon en faire des RTS puis tout, je pense qu'on va l'envoyer vers un autre projet pareil pour rester là-dedans, là, mais pas aller aider du monde, là. Je pense pas que ça serait une bonne stratégie de Blizzard, là. Tu sais, peut-être faire travailler pour... une expansion future de StarCraft. Là. Déjà commencé à travailler dessus là en ce moment. T'sais. Ou un StarCraft 3 peut-être. Ben, on le sait qu'il n'y aura pas une autre expansion. Là. Ça, c'est sûr. L'univers il est fermé. Là. StarCraft 3. Ben, on sait ouais, pas. StarCraft 3. Ça serait ça. Ça. Faudrait que ce soit ça. Ou ben une expansion mystère. On sait jamais avec Blizzard. Sinon, fait que le BlizzCon, c'est pas mal ça. Ah non, il y a eu le documentaire. Oui. Ben. Il y a eu le documentaire et le film aussi. Ben ouais, on va y revenir, mais tu as eu le documentaire de 1 heure qui faisait le résumé de 10 ans d'histoire de World of Warcraft. Ouais. On a regardé ça. Moi, j'ai bien du fun là-dedans. Je me suis retrouvé à quelques moments dans ce documentaire-là. Ils montraient des scènes, là, dans le fond, que n'importe qui a joué à WoW allait se reconnaître là-dedans. Puis ça, moi, j'ai trouvé ça super sympathique. Ouais. C'est un cool vidéo. Puis t'as rien appris là-dedans, là. T'as absolument rien appris. Mais c'était juste de la bonne vieille nostalgie pure et dure que n'importe qui a joué à WoW, que ça fasse depuis 2 ans, que ça fasse depuis 10, tu t'es reconnu là-dedans. Puis t'as juste trouvé ça bon comme vidéo, là. Ah, moi, ce que j'ai plus retenu, c'est les débuts. De voir que la compagnie est tout petite, Puis là, ils font un projet qui est assez gros, puis ils s'attendent à pas grand-chose. Puis que là, après ça, man, il y a des rangées de monde qui attendent dans le parking pour juste pour aller faire des signatures. Puis là, ils se rendent compte, OK, ouais, ça, là, ça va être plus gros qu'on pense. Ah ouais, c'était cool. Là. Tu vois que, clairement, là, il était pas prêt à ça. Là. C'est ça qui a fait la beauté aussi de la team. Là, c'est que sont tout le temps restés plus ou moins fidèles à eux-mêmes. Là, puis, regarde, ils ont juste surfé sur la vague de popularité qu'ils ont eue puis sans jamais redescendre. Là. Puis c'était cool aussi de voir leurs photos là, quand ils étaient quand ils étaient tout jeunes puis que là ils commençaient puis ils se sont dit on part de quoi là, tu sais, puis Chris Mitchell avec une moustache molle. Non mais tu sais c'est cool de voir ça parce que ça donne de l'espoir, tu te dis OK, demain là je pars de quoi. Oui. Tout le monde peut partir de quoi puis ça va devenir big. Puis là, après ça ben tu t'en vas jouer à WoW. C'est ça. Fuck, tu pars un bonhomme. Il va devenir big. Ah oh ouais, je pars un bonhomme de 1 à 100. Grosse ambition aussi. Puis il y a eu aussi le film. Il y a eu deux films. Il y a eu le documentaire. Puis le vrai film qui s'en vient en 2016, février ouais. 2016. Ouais, ouais. C'est ça? On n'a pas vu grand-chose. On a vu un orc. Ouais. On a vu des armures. Ouais. On a vu un petit peu de CGI. Ouais. On n'a vu rien d'autre. On n'a pas pu voir le preview parce qu'on faisait partie des pauvres paysans qui l'avaient pris en ligne. C'est ça. Mais le monde qui était à Anaheim, c'est bon, c'est pas facile. Ouais. À Anaheim, aux États-Unis, eux autres, ils ont eu le plaisir de pouvoir voir le trailer là, du film. Ouais. J'aurais bien aimé voir ça. Ouais. Là, ça commence à faire chier. Là. Ça fait comme deux comme connes qui font qu'ils montrent ce trailer-là. Puis, il n'y a personne qui l'a pris en vidéo. Il n'y a personne qui a pris son téléphone pour le prendre en vidéo, pour monter quelque chose. Là, ça commence à faire chier. Là. J'ai le goût de le voir. Là. Moi aussi, j'ai hâte. Mais ils ont montré aussi les acteurs pas mal. Ouais. Moi, je connais pas vraiment ces acteurs-là là, parce que je connais pas d'acteurs vraiment dans la vie. Là. Je connais les plus populaires qui sont à la retraite à Star Gazman. Oui, à part Patricia Paquin puis le casque de Radio Enfer, là, tu connais pas personne. Là. Radio qui? Radio Enfer. Ah non, mais tu sais, je connais les plus gros, là, tu sais. Tom Cruise, Bruce bon, Willis. Bon, puis après, pas ça. Pas ça, BlizzCon, ça fait le tour. Puis Leland, l'acteur ouais. Qui a fait la démarche de l'orque. Ouais, Duncan Junior. T'es malade. Ouais. Tu vois que ça va être cool en Chris, ouais. Là. Puis c'est ça. On a-tu vu? Ouais, on a vu deux photos. On a vu une photo de l'orque, puis une photo de l'humain. Je pense que ça va être fou. Là. Ils peuvent pas se planter. Là. La seule affaire non. Que j'ai à dire, c'est qu'ils peuvent pas se planter. T'es-tu plus hypé pour le film de WoW ou le film de Star Wars? La bande-annonce, ben le teaser du Star Wars 7, je suis un fan de Star Wars à la base. Hein. Ouais. Puis le teaser du film est sorti en fin de semaine. Ouais. Puis moi, je me disais, gars, je veux pas me faire d'attente là, parce que j'ai peur d'être déçu, blablabla, bla, bla, je suis trop hot pour ça. Ben, croyez-le pas. J'ai vu la bande-annonce, puis je pleurais comme un bébé, là, j'avais hâte à voir le film. Puis ça va être une année longue en motadis pour le fan de Star Wars en moi, là, parce que toutes les secondes du trailer, ça avait de l'air trop malade. Puis quand il sort l'épée à la fin. Puis qu'il y a deux petits bouts, là. C'était malade, si j'ai hâte. J'ai hâte, je suis vraiment hypé, malgré moi, là. Moi, j'ai bien aimé Star Wars aussi, pour un fan comme toi, par exemple. Fait que, d'un point de vue de pas trop fan de Star Wars, je trouve qu'il y avait rien dans le trailer. Ben non, il y a rien, c'est un teaser, là, il y a absolument rien. Ouais, dans le teaser, là, mais c'est comme, il y avait vraiment rien, là. Tu sais, c'était... En tout cas, pour un pas fan, je trouve que c'est un peu de la merde. Mais pour un gros fan fini, c'est sûr que j'imagine voir le monde. Oh! C'est que ça doit être malade, en tout cas. Fait que, mais non, le bout que j'ai aimé, par exemple, du teaser, là, c'est quand tu vois le vaisseau là, qui passe comme par-dessus la caméra. Puis que là, ça drop par en bas, man. Avec le son, man. Là, j'ai fait comme, oh ouais, ça va être malade, man. Puis l'armée aussi de Stormtrooper, là, tu vois que. C'est pas fait à l'ordi, là. C'est du vrai monde dans des vrais sauts qui ouais. Crinquent leur gun à laser. Ça a l'air écœurant. Là. Ouais. Une autre affaire que j'ai trouvé là, en parlant de ça, c'est que je trouve que ça a l'air identique pas mal aux autres films. T'sais, même si c'est comme une couple d'années plus tard, je trouve pas que ça a l'air comme tout fait à l'ordi, puis trop à jour, puis tout. Je trouve qu'ils ont bien fait ça, la transition, que ça a l'air quand même vieux, mais ouais. Pas trop. C'est, ben, c'est dans son mandat aussi là, du réalisateur. Là, il voulait faire vraiment en live action, puis ouais. Pas en CGI. Là. C'est vraiment comme le but là, de l'activité. Là. Ouais. Ah ben c'est cool. Chris, on a parlé du teaser de Star Wars. Parle-moi de ça. On aura tout vu. Check down sur ta liste. Je pense que t'avais des affaires à parler. Là. Ah oui, puis aussi, ça fait un bout qu'on n'a pas fait de podcast, mais je voudrais vous annoncer que Robin Williams il est décédé. Et on le sait, lui, il avait un priest level 36. Fait que... Il a joué à WoW genre ouais. Deux semaines, puis là, tout le monde pense qu'il jouait à WoW tout le temps. Fait que là, ils ont rendu hommage. Fait que... Pour nos nouvelles, ça fait le tour pas mal. Fait que c'était ça, les nouvelles de la semaine. Hey, le génie de Robin Williams, là, blague à part, là, ils ont sorti un génie là, pour sa mort, pour de vrai. Ouais. Tu l'as-tu trouvé dans Drainer? Non. Chris, faudrait qu'on check ça. Hein? Ouais, ou non. Non, mais c'est cool. Ouais, c'est vrai, c'est cool, mais on n'est pas obligé. On va le trouver. Y a-tu d'autres choses dans tes notes? Non. Ben, garde... Moi, je voulais qu'on parle peut-être deux secondes vite fait, là, parce qu'on n'a pas parlé une seconde de WoW encore, là, mais ouais. Heroes of the Storm, moi, je trouvais ça vraiment plate, les MOBA, avant. J'avais jamais joué à ça, je trouvais ça tough, je comprenais rien. À quel t'avais joué? J'ai joué un petit peu à League of Legends, ouais. À Smite, ouais. Puis j'ai déjà essayé d'installer Dota. OK. Ça compte... ça compte pas, mais bon, regarde, j'ai déjà joué un petit peu, là, regarde, je suis pas un expert, mais j'aimais pas ça, fait que je me donnais pas plus que ça. Ouais. Et là, qu'est-ce que je reçois pas dans mon launcher de Blizzard? La clé de l'alpha de Heroes of the Storm. Puis moi qui m'exclame à mes amis, « Hey les gars, j'ai la clé! » Puis là, non, même, c'est Lanou qui me dit, « Hey les gars, j'ai la clé! » Moi, je fais Alt-Tab, je vais voir, et la mienne aussi est rentrée. Puis là, on est comme... 3-4 de notre gang qui l'a eu. Fait que là, on s'est fait une game puis on a commencé à jouer à ça. Dans nos amis, il y a une couple de gars qui sont quand même des bons joueurs à ça. Ils m'ont montré un peu les bases, là. Ils m'ont expliqué quoi faire vite fait. Puis c'est vraiment hot en gang. Ouais. Dans le fond, je voulais savoir si tu une open alpha, là, est-ce que c'est tout le monde qui l'a eu? Parce que on est comme quasiment une dizaine à l'avoir eu one shot. Là, fait que... Mais sinon, c'est ça. Heroes of the Storm, c'est hot. Ouais, ben j'ai vraiment hâte, comme je disais tantôt, de jouer avec vous autres, là, parce que ça fait peut-être un ou deux mois que je l'ai, puis je jouais tout seul, puis j'osais pas jouer avec d'autres mondes, parce que je suis pas vraiment bon. J'ai joué une fois de temps en temps, puis j'ai hâte que, tu sais, au moins un autre de mes amis l'aille, puis tout, puis là, bang, 5 de mes amis l'ont en même temps. Je sais pas s'il y a eu une wave de n'importe quoi, puis ils l'ont donné à du monde, mais là, c'est ça, 5... que je joue pas mal tout le temps avec l'ont eu, fait que on va se faire des games bientôt. Yes sir, ça va être malade. On parle-tu un peu de World of Warcraft, mon Ben? C'est pas un podcast de pas WoW? Non, c'est un podcast de WoW de tout ce qui est pas WoW. Tout ce qui est pas WoW de WoW. Oui, c'est ça. Fait que, ouais, Warlords of Draenor, c'est quand c'est sorti ça? Oh, 13 novembre! C'est qu'on l'attendait. 13 novembre à 3h moins quart. C'est sorti. C'est à 3h moins quart, puis je me suis levé à 3h moins 10, puis je pensais être d'avance, tabarnak. Benjamin, fidèle au poste, prêt à représenter la guilde à l'ouverture. Ouais. Fait que là, je vais te dire mon expérience. Tu l'as-tu regretté? Fait que j'ai commencé, 3h moins 10, comme je viens de dire. Je me lève, commence à essayer de me loguer. Tout va bien. Je suis comme, hein? Chris, tu peux pas, tu sais. Les autres expansions auparavant, c'était comme, t'essayais de te connecter, puis ah, Q, ben, bug des gens partant, character ouais, not ça, found. Ça allait vraiment pas bien, les autres expansions, à comparer à ce que ça allait bien là. Là ouais, fait que là, connect, tout va bien. Je peux même déjà parler au gars dans la ville pour aller faire les quests. Je suis comme, Chris, ça va bien, tu sais. Là, je pars la première quest, tout va bien, aucun lag. Là, on était dans TeamSpeak avec les mordus qui s'étaient levés, là. Puis on était comme, Chris, ça va bien, cette expansion-là, tu sais, puis... C'est un des meilleurs lunchs que j'ai jamais eu de ma vie. Puis là, je suis sorti du premier territoire de quest. Là. Je ne sais plus comment il s'appelle. Tanan Jungle. Puis là, dans le fond, t'as fini qu'est-ce qui était instancé. Là. C'est ça. Ben, je sais pas si c'était instancé, j'avais du bon avec moi. En tout cas, anyway, on est arrivé à Shadow Moon. Non, Frostfire Ridge. Puis là, le calvaire a commencé. Juste couper des arbres, c'était l'affaire la plus tough du monde. Juste cliquer sur le style patente pour faire ta guérison, ça m'a pris 1h15. Un coup que j'avais eu ma guérison, j'avais l'autre quest d'après, qui c'était juste ramasser des bouts de bois. Puis cette quest-là m'a pris genre 1h30. Fait que là, après ça, je me suis dit, je vais prendre le temps d'aller me recoucher. Ça t'a pris combien de temps avant d'abandonner? À 6h30. Super. À 6h30, je suis retourné me coucher. Je me suis levé à 9h30, pensant que tout allait bien aller, tu sais, un petit 3h. Erreur! J'ai joué tout le restant de la journée, puis ça a été de la fucking merde. Puis je pense que ça a été de même pas mal pour tout le monde. Quand je me suis levé, d'ailleurs, à 9h30, il y avait déjà des levels 100. Je sais pas comment ils ont fait. Mais moi, j'étais encore 91, je pense, à ce moment-là. En tout cas, à la fin de la journée, je pense que j'ai arrêté, j'étais à 96. Fait que c'était quand même pas si pire, là. Il y avait des lags intenses par moment, mais souvent c'était jouable. Sauf que ça a été de la merde aussi pour tous les prochains jours d'après. Comme 4-5 jours après, ça a été de la merde. Tout, ça a été comment tes ben, je veux instants? Pas juste trop chialer, mais c'est sûr que ça a pas été doux, là, comme lunch, là. Moi, j'ai pas pu me lever avec vous autres pendant la nuit. Puis apparemment, j'ai pas manqué grand-chose, comme tu dis. Mais j'ai joué le soir en revenant de travailler. Il y avait beaucoup de monde. Ça laguait énormément. C'était pas super plaisant, là. Puis ça crashait souvent. Fait que là, qu'est-ce qu'ils ont fait la nuit, dans le fond, le vendredi, la nuit d'après? Ils ont commencé à mettre des queues pour qu'il y ait moins de monde dans les serveurs. Et là, tu pouvais attendre un bon 3-4 heures avant de pouvoir te loguer. Mais une fois que tu étais rentré, par exemple, là, tu pouvais jouer comme il faut. Là. La seule affaire, c'est que justement, il fallait que tu attendes extrêmement longtemps pour pouvoir te loguer. Fait que ça, c'était un peu plate là, si tu pouvais pas partir ta queue en revenant de travailler, mettons. Là, puis il y en a qui restaient en queue pendant quoi? 1 heure, ils callent, 1h30, quasiment 2 heures. Puis ils arrivaient au bout du 2 heures, ils essaient de se connecter. Bang, ça lag. Ouais, ça, character not found, peut plus jouer. S'il retourne en queue. Ah, ça a pas bien été. Là. C'est probablement un des pires lunchs. Nous autres, on avait fait ça pour Mist of Pandaria, on s'est élevé. On avait joué pendant 24 heures d'affilée comme des pods live non-stop. Puis oui, ça avait lagué un peu. On avait eu quelques queues, mais ça avait rien à voir avec cette expansion aussi. Là. C'est vraiment dégueu. Là, on se demandait peut-être un peu pourquoi ça laguait autant. Mais là, y a-tu du monde qui sont revenus jouer à War qui avait quitté, Ben? Et là, tu sais, je me disais, moi, je disais, Chris, tu sais. Ils devaient s'attendre là, à ce qu'il y ait beaucoup de joueurs, tu sais. Comme ils ont eu 3-4 expansions avant pour s'habituer. Fait qu'ils devaient être prêts à cette expansion-là. Sauf que là. You are not prepared. Ils n'étaient pas préparés pantoute parce que WoW est revenu à 10 millions de joueurs. Ouais. De souscriptions. Fait que eux autres s'attendaient peut-être à quoi? Tu sais, 8 millions. Fait que là, t'as un petit 2 millions de plus qui est dans les serveurs. Fait que c'est sûr que ça a pas aidé. Mais aussi, qu'est-ce que en plus de ça, il y a eu les DDoS attaques, là. Ouais. Ça aussi, là, c'était vraiment pas cool. Puis d'ailleurs, parenthèse, le monde qui font ça, je comprends pas. C'est tout. Je sais pas pourquoi le monde font ça. C'est quoi que ça leur apporte, j'en ai aucune idée. Puis vous faites chier crissement beaucoup de monde. C'est tout. Ouais, je pense que c'est rien que ça qu'ils veulent. Là. Ils veulent juste faire chier. Puis, ils veulent juste check. Hey, à cause de moi, il y a comme 2 millions de personnes que ça leur fait chier. Est-ce que je suis cool? Non, mais tu sais, mettons qu'ils feraient du cash avec ça, je pourrais comprendre à la limite. Ou tu peux faire du cash, il y a du monde qui vont s'arranger pour en faire. Ça, c'est correct, mais les gens qui font ça, ils gagnent absolument rien. Ils gagnent rien. C'est pas pour leur plaisir, pour faire chier le monde. Hein. Peut-être leur façon de se révolter. Là. Anyway, fait que là, après ça, 2-3 jours, mettons, le mardi après, c'est pas mal réglé, là, il y avait plus de queue, fait que ouais. un 4 jours là, que ça a pris avant que tout revienne à la normale, depuis ce temps-là, j'ai eu aucun problème, c'est super cool. Ouais, depuis ce temps-là, ça va super bien. Puis c'est pour ça qu'ils nous ont donné, dernièrement, le président de WoW, je sais pas si c'est président, anyway. Mike Morhaime. Je sais pas. Le gars, en tout cas, le gars, il s'est excusé. Lui avec les oreilles. Lui avec les oreilles, là. Les oreilles, il s'est excusé. Les oreilles, il a dit... Here, come take a fire free day of World Warcraft. World Warcraft. World Warcraft for you. Come here. 5 jours gratuits parce qu'il s'excusait puis tout. Puis 5 jours, c'est de quoi de gros quand même. Tu sais, pour nous autres, là, ça change à rien. Tu sais, on s'entend. Là, le mois de WoW, il passe à chaque mois sur notre carte de crédit. Fait que si tu nous donnes 5 jours de plus, on s'en contre tabarnak. Puis ça change à rien. Là. Sauf que je pense que pour le monde. Qui a, mettons, pris un mois, tu sais, pensant qu'il allait peut-être pas rejouer par après. Mais tu sais, pour eux autres, ouais, ça change de quoi, tu sais. C'est un beau geste parce que il aurait pu rien donner, là, parce qu'on a, ouais. a quand même joué. On a joué à tous les jours pareil, même si ça allait mal, là. Ouais, c'est mais il aurait pu rien donner. C'est juste cool. Ouais, ben ça. Comme je dis, je pense que c'était juste pour le monde qui. Eux autres pensaient juste prendre un mois. Mais là, ils se retrouvent à comme pas jouer pendant 5 jours. Ils sont comme frustrés. Puis, ah non, fuck off. Là, t'sais, genre, je jouerai pas mon deuxième mois. Là, t'sais, je vais arrêter tout de suite. T'sais, ça laguait. Mais t'sais, là, au moins, comme on s'excuse, on a eu plus de joueurs qu'on pensait qu'elle revenait. 10 millions. Fait que, t'sais, en même temps, le monde, ils font comme, ah, Chris, 10 millions. Chris, c'est une bonne raison. Là, t'sais, s'il y a du monde qui jouait à ça. Fait que, je pense qu'en même temps, c'est une petite stratégie. Marketing. Marketing. On s'excuse, on vous donne des jours, mais il y a 10 millions de personnes qui viennent de revenir sur nos serveurs. Puis là, ça, c'est sans la Chine, sans l'Asie. Fait que ouais. Tu penses? Ouais, j'ai entendu dire ça. 10 millions sans l'Asie. Parce que l'expansion n'était pas sortie encore. Eh ben. Mais en tout cas, sans l'Asie, au moment des chiffres, parce que l'expansion n'était pas sortie. Sauf qu'avec l'Asie, on va-tu en gagner plus? Quand l'expansion va sortir, qu'est-ce qu'ils ont en ce moment? C'est ce qu'on va voir. Ben, l'Asie, ils ont bien 3 milliards là-bas. Fait qu'il y a au moins 1 milliard qui joue à WoW. Fait que, à peu près. Fait du monde en esti. On verra bien. Peut-être gagner un autre million, mais... On verra bien. Sinon, ben là, parle-nous donc de... Ouais, parle-nous donc de, du leveling. Là. Parle de l'expansion. Okay. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment t'as levelé? Là? Parle-moi de ça. C'est bon. Bon, les premiers temps pour me rendre à 92, ça a été l'enfer, comme je disais tantôt. Là. J'ai levelé en tuant des mobs, en faisant des donjons, parce que dans les donjons, t'étais instancé, puis t'avais pas de lag vraiment comparé à dans le monde. Fait que j'ai fait beaucoup de donjons en partant. Mais l'XP que ça donnait, les donjons, c'était vraiment pas gros. Là. C'était comme 10% par donjon qui prenait comme 40 minutes à faire. Là. C'était vraiment pas gros. Là, à un moment donné, j'ai dit, je vais arrêter ça. Je vais aller me promener un peu. Peut-être qu'il y a d'autres quests qui lagront pas. Fait que là, dans Frostfire, j'ai réussi à faire une couple de quests. Mais à un moment donné, je n'avais plus. Fait que c'était un peu ça que j'ai fait pour me rendre à 92. À 92, j'étais allé à Gorgrond. Puis à Gorgrond, là, il y avait personne qui était là quasiment. J'étais comme plus avancé que tout le monde. Fait que ça s'est bien déroulé. Jusqu'à Spires of Arrak à peu près. Qui était comme 96-97. Ben 96 à ce moment-là. Là, un moment donné, ça a recommencé à bugger. Puis il fallait que je m'en aille. Ouais, j'avais plus le temps de leveler. Ouais, j'avais plus le temps de jouer aussi. Fait que. Puis sinon, pour le reste, 97 à 100. Ça a pris comme 4 jours plus tard avant que je puisse en jouer cette fin de semaine-là. J'avais de quoi. Ça m'a fait chier, Nasty, pendant que tout le monde jouait la fin de semaine. Moi, je travaillais puis j'ai eu de quoi. Mais après ça, aussitôt que j'ai eu le temps de jouer, man, je me suis rendu à 100. En une journée, ça n'a pas été long. Là. Puis pour le leveling, ils ont fait des choses différentes. Oui. Ils ont fait les loot que tu peux, les rares items que tu peux looter un peu partout. Ça donne l'XP. Ils ont fait des bonus objectifs. Que tu peux faire, qui donne énormément d'XP. Ils ont mis des rares boss un peu partout, qui donnent de l'XP aussi, qui drop des bons items. Puis il y a les quests, puis il y a les donjons, puis il y a les BG, comme d'habitude. Fait qu'il y avait beaucoup de façons de leveler. Puis ça, c'était des nouvelles façons qu'ils ont faites, justement, juste pour cette expansion-là. Puis si tu veux savoir si j'ai vraiment aimé ça. T'as aimé ça? Moi, je trouve que juste looter les rares items, tuer les boss, puis les bonus objectifs, ça rajoutait de quoi, qui était vraiment cool. Puis moi, je suis pas un gars qui aime vraiment quester, tu sais, sans arrêt. À un moment donné, je pogne les nerfs, puis je le fais parce qu'il faut que je le fasse, mais j'haïs ça, tu sais, puis j'ai juste hâte que ça finisse. Mais en faisant ça, ben c'était cool. Ça faisait de quoi d'autre à faire. Puis on dirait que ça a été plus vite levelé. Je suis pas sûr que ça a été plus vite, mais ça a sûrement été plus vite parce que j'ai eu plus de fun. Là. Ben moi, c'est dans le fond, là, c'est pas mal la première expansion que j'ai du fun à leveler. Les quests sont intéressantes. Puis t'es beaucoup impliqué aussi dans l'histoire. Là. C'est toi le chef de la garnison. C'est toi qui mène, là, dans le fond, la petite armée que t'as au front contre le Iron Horde. C'est très intéressant. Puis tout au long que je levelais, je me sentais super important et beaucoup, beaucoup impliqué dans l'histoire. C'est une super bonne affaire qu'ils ont réussi à accomplir qui était totalement absent des autres expansions. Et en plus, quand tu suivais des chain quests assez longtemps, non seulement tu débloquais des nouvelles zones, mais souvent c'était accompagné de vidéos que c'était jamais très long, mais c'était juste tout le temps parfait. Là. C'était le petite affaire qui te manquait pour te faire dire « Ah, c'est malade cette histoire-là » pis tout. Oh ouais, je sais pas si tu te rappelles la vidéo à Frostfire Ridge. Quand tu fais le... Il y a un scénario qui est vraiment trop long, là. Faut que tu défendes des vagues tout le temps, là. Oui. Ça te dit quoi? Puis là, à la fin, il y a comme une vidéo qui apparaît. Puis le gars, man, il se sacrifie pour le groupe au complet, là. Puis c'est le gars qui est tout le temps en tabarnak. Puis il est prêt à faire tout, là. Puis il gueule tout le temps, là. Puis tout le long de ce chain quest-là, je l'ai fait. Puis j'étais comme... Ce qui est hot, lui, man. Quand il est tout en crise, puis let's go, hostie, puis il est full badass, puis tout. Puis là, t'arrives à cette cinématique-là. C'est un peu un spoiler, ça, mais c'est pas grave. Ouais. Yeah, ça fait un mois si vous avez pas joué, là. T'arrives à cette cinématique-là, hostie, puis Chris, il se sacrifie pour lui, puis tu sais, il meurt, puis il est full fier de mourir pour laisser le groupe continuer, man. J'étais comme, aïe, man, c'est donc bien fou, man. Ça, cette cinématique-là, j'ai trouvé ça cool, hein, Chris. Puis, ben, moi, dans le fond, mon cinématique là, préféré, là, c'est à Talador, quand tu fais la Battle for Shattrath. Ouais. Puis que Marad, mon bonhomme préféré, il meurt. Ça m'a vraiment, vraiment fait chier d'ailleurs. Parce que ouais, tu l'as pas aimé celle-là. Ah, si, ça m'a fait chier. Ben, les vidéos étaient écœurantes, là. Ouais. Mais j'étais sûr que Marad il allait nous accompagner comme des raids. Puis tout au long de l'expansion. Ouais, je sais pas pourquoi ils l'ont fait moins. Il a crevé assez vite, puis pas si hotement que ça. Là. Ça, c'était quand même déception, mais la vidéo, il était super hot, puis il s'est comme un peu sacrifié pour te laisser survivre. Fait que c'était cool. Là. Il s'est cassé un ongle, puis il est mort. Il est mort en héros. C'est nul. Ouais, pour vrai, moi, Murad, j'étais là. Chris, ça va être un esti de badass avec cette expansion-là. Il va toffer longtemps, puis tout. C'est le premier qui jump dans le portal au début de l'expansion, pète tout avec son gros marteau, il meurt comme une plotte. Ça a fait chier, man, cette affaire-là. Sinon, une autre chose que tu disais, là, tu sais, qu'il faisait en sorte que tu étais tout le temps le héros, c'était toi qui leadais tout. Je trouve que Blizzard, ils ont fait ça, puis ils ont mis ça vraiment en évidence. Tu sais, c'est comme toi qui es le centre du monde, c'est toi le héros, puis tout. Sauf que moi, pour moi, ça... Je m'en calisse. Tu sais, je veux pas être le héros. Là. T'sais, je ne sais pas pour tout le monde. T'sais, sûrement que la plupart du monde veulent être le héros puis tout. Mais pour moi, personnellement, je veux pas être un héros puis je veux pas que personne me reconnaisse à rien. Là. T'sais, moi, ce que j'aime voir, c'est participer à ça puis voir les mondes qui sont badass puis les aider là-dedans. T'sais, je m'en calisse d'être le héros ou pas. Là, ouais, mais ça transformait ton questing doll en expérience. Solo, mais mettons mono-joueur que de n'importe quel autre jeu, là, dans le fond. Pour moi, quand que je questais, j'étais plus dans un MMO, mais j'entrais dans un jeu d'aventure qu'il fallait que j'avance, puis j'aurais pu pas être avec personne, puis ça aurait été la même affaire, parce que le jeu, et les quests étaient assez cool, les zones étaient assez cool pour me garder intéressé à les faire, justement, ce qui était vraiment pas le cas, là, dans les autres expansions. Je pense que j'ai fait une fois chaque donjon juste pour les voir, puis je voulais pas en faire parce que je voulais pas leveler trop vite, là. D'ailleurs, moi, j'ai dû skipper Spire of Arrak, puis ça me fait suer, là, parce que j'ai pas vu l'histoire pantoute, là, puis apparemment qu'il est vraiment cool, là, avec les Arrakoa, là. que c'est sûr que mon premier halt, là, je vais tout faire la zone là, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Ouais, moi c'est ça, je m'étais dit. Le main character, je rush ça, je monte ça vite en crise. Puis les autres haltes, je vais y aller tranquillement, tu sais, je vais faire, mettons, deux zones avec un, skipper une zone avec l'autre, tu sais, puis au bout du compte, je vais toutes les avoir faites avec les haltes, sauf que le premier, c'est ça, je voulais le faire plus vite. Mais pour en revenir à l'affaire de héros, là, toi, tu sens-tu que c'est nécessaire, ça, pour un jeu, là, que tu sais, que tu sois l'héros, que tu te fasses sentir comme l'héros tout le temps, là, tu sais, moi, j'ai trouvé que c'était un peu... Ils ont essayé de faire ça, mais c'était trop, là. Tu sais, souvent, tu fais une quest, puis c'est comme ramasser des cochonneries, puis là, à la fin, il dit comme « Ah, merci, t'es vraiment fort. Sans toi, on n'aurait jamais rien fait, puis t'es vraiment le plus fort du monde. Merci, Thank Commander. You, Commander! » Tu sais, je suis comme « Hey, fan de ta gueule. » Mais, sérieux, c'est parce que, oublie pas que ça fait 5 expansions là, que tu butes, là. Des crises de grosses bébites en feu, des gros bonhommes aveugles qui te tuent dans le ciel, un dragon qui veut détruire le monde, un gars qui summonne des squelettes. Ils ont tous buté un après l'autre. Fait que là, c'est normal que de m'amener, ben, que tu sois hot pareil, là, tu sais. Puis ça se prêtait super bien au leveling. C'est sûr qu'une fois que t'es rendu level 100, là, spoilers, que Garrosh, il meurt. Ok, le spoilers est fini. Mais. Ça n'a pas rapport à ce que je dis. Garrosh meurt. Non, mais après que tous ces événements-là sont faits, puis qu'un peu, ben, t'es level 100, là, l'impact que t'as sur le monde revient à normal, puis il faut que t'aies un raid group pour faire un raid, puis aller buter du monde encore plus fort, tu sais. Ouais. Mais je trouve que ça rendait le leveling super intéressant. Regarde, moi je veux dire comme toi, j'ai trouvé que ça a été super vite levelé. Peut-être c'est aussi long comme tu dis, mais crime, ça a passé vite. Ouais. Puis aussi l'affaire, c'est que oui, c'est cool, tu sais, c'est toi l'héros pis tout, sauf que t'sais, tout le monde est le héros, là. Tu sais, fait que là, on est comme dans un environnement que c'est online, c'est multiplayer, pis là, comme. Ben non, c'est moi l'héros. Ben non, c'est moi l'héros. Non, mais pendant qu'on levelait, c'est quand même assez transparent. Ça, moi, je vois pas de problème avec ça. OK. Ben moi, j'ai trouvé que ça, c'était un petit peu trop. Il avait essayé un petit peu trop de mettre ça. Puis souvent, je trouvais ça, je riais. J'étais comme bon. Fait que toi, si tu lis un livre dont vous êtes le héros, puis tu me le passes, puis que moi, je le lis aussi, ça marche plus, là. Ben, ça marche plus, on est deux les héros. On est deux à l'avoir lu. C'est comme... Si tout le monde... Toi, t'es héros, mais tout le monde est héros. Il y a plus d'héros. Il y a plus d'héros, aussi. Tout le monde est normal. C'est comme, toi, t'es spécial, mais tout le monde est spécial. Il n'y a plus personne de spécial, Carlis. Ouais, ça, c'est comme les hipsters, ça. Ah, ben, c'est ça. Il ira pas là. Un hipster spécial, mais là, à Star, tout le monde est hipster. Fait qu'il n'y a plus personne de spécial. Ouais. Bon, ouais. Ben. Ouais. Là, on a parlé un peu de notre expérience de leveling. J'aimerais ça que tu me parles de ton expérience de max level. Là. Quand t'as pogné le niveau 100? Quand que ça a commencé à être le fun. Quand que le fun est embarqué, là, c'est quoi qui se passe niveau 100? Ben, premièrement, moi, ce que j'ai fait niveau 100, j'ai essayé de me guérir le plus rapidement possible pour pouvoir être capable de faire des héroïques. Puis ça, c'est pas faisable, hein, se guérir vite. Ben, au début, j'ai commencé à faire des donjons normales. Pire affaire à faire. Parce que des hosties de donjons normales, ça drop du gear de merde, puis ça drop jamais. Fac, j'ai vite vu que ça dropait pas, puis que c'était pas une bonne façon de se guérir. Fait que j'ai passé à la deuxième solution, qui est d'aller faire du PVP. Parce que le gear PVP, c'est du 620. Puis du 620 comparé à du 600 que ça donne dans les normales, ou 610, ça vaut la peine. Puis, fait que là, je me suis mis à aller à Ashran. En même temps, je me suis dit que je vais tester Ashran. Puis, je me suis pogné le 7 PVP en une après-midi. Le 7 au complet. Wow, incluant les weapons, trinkets, tout. Fait que j'étais 620, mais avec j'avais pogné d'autres pistes. Fait que j'étais un petit peu plus que 620, juste en une après-midi. Fait que moi, c'est ça qui m'a poussé dans l'héroïque. C'est le PVP. J'ai pas fait de normal, rien. Je l'ai fait un petit peu, mais je n'ai pas vraiment fait. Fait qu'un petit peu de PVP, puis après ça, j'ai été full héroïque. Commencé à crafter mes affaires, puis... C'est un peu ça. Toi, ça a été quoi ton parcours d'héroïque. Ben, pas d'héroïque, de Geary. Là, j'essaie de dire des affaires parce qu'il a échappé son affaire. Ça a été quoi ton parcours? Ben, moi, moi dans le fond, j'ai pas fait comme tout pantoute. Je me suis geary d'un donjon normal. Puis j'ai pogné aussi pas mal d'items quand tu tues des raspawns qui drop du 620. Ça m'a aidé beaucoup. Mais moi, vu que je suis tank cette expansion-ci, j'avais tout le temps des lignes d'attente là, vraiment rapides. Ben, enfin, il n'existait pas. Là. Je me queuais tout de suite puis je rentrais dans un donjon. Là, fait que ça, c'est super pratique. C'est pour ça que ça a bien été aussi. Là. Ouais, ben moi, j'étais healer aussi. Fait que healer, c'est vite. On sait que healer puis tank, c'est quasiment instantané. Là. Le seul problème pour moi, c'est que j'ai peut-être pas eu la chance de mon côté, mais quand j'ai commencé à faire des normales, je pense que j'ai eu comme un piece en 2-3 normales. Fait que j'étais comme, ah, tu sais, je perds mon temps. Je perds mon temps, là. Ça se gear pas vite, là. Puis l'autre façon aussi, là, on va peut-être donner le témoignage de un de nos amis. Pour se guérir, pour être prêt à être héroïque, tu peux faire Nagran. Si tu fais Nagran au complet, ça donne des items level 600 cuc, 610, je me trompe pas. T'as une chance qu'il soit épique à 615. Ouais. Si t'as une War Mill ou un Dwarven Bunker, ça augmente tes chances que ton gear il soit rare ou épique. Fait que ce qui arrivait, c'est que notre ami, qui a fait toutes les quests Nagran, excusez-moi, j'ai perdu le nom. Il a fait toutes les quests à Nagran. Ben lui, avec tout le gear qu'il a pogné, il a pogné peut-être 5-6 qui étaient épiques, 5-6 qui étaient rares. Fait qu'il s'est guéri prêt pour l'héroïque là-dedans. Puis même qu'il a pogné du gear qui était meilleur que ce qu'il pogne dans l'héroïque. Fait que ça, c'est une autre façon pour se guérir, pour être prêt à l'héroïque, c'est finir les quests à Nagran. Super bonne idée. Puis en plus, Nagran, là, c'est là que ça se passe. Là. Garage. Faites-les, c'est bon. Garage. Puis aussi, si vous êtes chanceux, comme moi, vous pouvez pogner un cloak à level 665 sur de la trash. Okay. Ben, pas juste une cloak, non, plein d'affaires. Aussi, tu peux pogner, comme moi, une belle 665 puis la vendre au auction house. C'est vrai, t'en as pogné deux. Je t'ai pogné deux. Ça doit dropper souvent si t'en as pogné deux. Ça drop tout le temps. Ben, regarde, moi, je t'ai pogné deux. Ouais, c'est ça. Toi, si t'en as pogné deux, il donne noir partout, est-ce-tu? C'est sûr, ça m'a aidé beaucoup, là, mais bon. Mais c'est pas long, pareil. Là. À peu près une semaine, là. Mettons deux semaines, là, t'es prêt à raider, là. Ben ouais, ben, tu pourrais être prêt quasiment à une soirée, mais il faudrait que tu sois vraiment motivé. Non, là. Mais c'est vraiment... C'est, moi, je trouvais que le gear, ce gearer là, dans cette expansion-ci, c'est le fun, c'est quand même rapide, puis ça se fait bien. Puis t'as plusieurs options pour le faire, c'est intéressant, là. Ouais, mais c'est ça. Puis pour se guérir en PvP aussi, j'avais oublié de dire, si vous faites des... Moi, j'ai dit que j'ai été à Ashran, mais si vous faites des random BG, à cette heure, ils ont rajouté que quand tu as une victoire d'un random BG, ça va te dropper un sac qui contient des loots dedans. Un piece, là. Fait que ça, là, c'est une façon vraiment rapide là, de se guérir à cette heure, les BG. Avant, c'était une bonne façon, mais tu sais, c'était quand même long. Fallait que tu gagnes, puis t'accumules tes honneurs, t'achetais tes pieces de même. Mais là, c'est un piece si tu gagnes, tu sais. Fait que ça, c'est à considérer. Même si vous n'aimez pas le PVP, là, je ferai jamais ça. C'est pas grave. Faites-les. Pognez-vous 3-4 pieces. Soyez prêts au héroïque, puis après ça, allez-y. T'sais. Ça va peut-être être plus vite que juste faire comme 50 normal pour avoir 3 pieces. Là. Sinon, pour se guérir, pour être prêt, y a-tu d'autres choses qu'on pourrait faire, JC? Ben oui! Tu peux crafter ton stock. Ben oui. Oui. Comment? Ben, en faisant tes cooldowns daily à tous les jours, ben important. À peu près une semaine, vous allez avoir un piece. Si vous avez deux professions qui craft, vous allez avoir deux pieces, c'est bien. On a pas mal tout fait ça dans la gang, ça l'a aidé beaucoup. Ça aide aussi, c'est des bons, c'est quelque chose qui est encore viable là, même pour commencer les raids. Quel item level? 640. Ouais. Ça vaut la peine, c'est un petit peu meilleur que ce que tu pognes dans Heroic. Puis aussi, tu as la possibilité de les upgrader à 655 et ensuite 665. Mais par contre, ça vaut probablement pas la peine de le faire. Là, jusqu'à temps de nouvelles. À moins que vous ayez beaucoup, beaucoup trop de gold. Oui, ça vaut pas la peine. Mais la possibilité est là quand même. Puis moi, mettons, j'ai un alt, puis il y a des professions niveau 1. Est-ce que je peux les faire quand même, ces cooldowns-là, pour pouvoir me crafter mon gear? Mais, hein? Ah ouais? Ben là, ouais? C'est donc bien injuste. Ouais. Fait que le gars qui a 600 dans sa profession, c'est la même chose que le gars qui a 1. Ouais, mais ça va être plus long parce que tu vas faire moins de matériel à chaque fois. OK. Fait que comme par exemple, un gars qui est à 600, il en reçoit combien de matériel? Mettons 4. 5? 5. Puis un gars level 1? 1. T'es sûr? Non, je sais pas, je n'ai pas de niveau 1. Mais je pense que c'est 4 minimum. Okay. Sauf que plus que tu augmentes de niveau, plus que tu en as. Ouais. Mais mettons, moi, je suis rendu comme 650. Là, ouais. Ou que, non, plus que ça. 670, j'en fais à peu près 8 ou 9 à chaque fois. Là. Oh, que c'est ça. Comme vous pouvez voir, ça scale. Là, avec, mais je pense que de 1 à 600, ça reste 4. Puis aussitôt que tu arrives à 600, là, tu en as 5. Puis à partir de là, ça commence à monter jusqu'à 10, un maximum de 10. Quand même super bon, là. Ça va être facile de se monter sa profession. Ouais, c'est ça. Fait que si vous n'avez pas de profession, allez vous en chercher level 1, c'est pas grave. Vous pouvez tout vous faire avec les garnisons à cette heure, avec les professions. Fait que ça vaut la peine. Puis ça donne du 640. L'héroïque, ça donne du 630. On a une autre manière aussi de pogner des 640, c'est en faisant les challenge mode. Oui, challenge mode. Comment ça marche, hein? C'est pas facile. Non, mais comment ça marche, avoir le loot? C'est le loot qui est important, oui, on veut du oui, loot. Oui, nous, on joue bien pour ça. Mais dans le fond, tu fais le donjon en challenge mode, peu importe le temps que tu fais, tu vas avoir quand même c'est une quest, dans le fond, que tu pognes à chaque jour. Ouais, puis peu importe le temps que tu fais, en autant que tu le complètes, tu vas avoir une chance d'avoir un item épique 640. Une chance? Une chance. À 100%. Okay. C'est sûr que t'as un piece, mais... C'est sûr. Tu peux t'avoir deux fois de même? Oui! Je peux pogner de la crap que t'as déjà. Tu sais, mettons, un exemple qui est arrivé. Ouais. Admettons que t'as une cloak 665. Ouais. Admettons, OK, que t'as ça. Mettons que j'ai ça. Mettons que t'as été chanceux puis t'as pogné ça dans la trash. Admettons que moi j'ai ça. Ouais. Puis admettons que le premier challenge qu'on fait, je rouvre ma boîte puis c'est une cloak. Ouais. Ben, c'est ça qui est arrivé. C'est pas super intelligent. C'est vraiment une chance de pogner n'importe quoi. Ouais. Mais regarde, c'est super bon pareil, mais c'est tough. Sérieusement, c'est pogger ça, là, c'est pas évident. Non, faut tailler un groupe. Ouais, faites ça avec du monde que vous connaissez. Là, ça va être plus joyeux pour tout le monde. Ouais. Puis il faut que vous ayez le temps, soyez patient. Nous autres, on a fait ça avec du monde qui savait pas trop comment jouer à 100%. T'sais, on n'était pas super bon, mais on a quand même eu. Là, t'sais. Puis ça a pris quand même quasiment 2 heures et demie. Là. Ouais, ça nous a pris 2 heures et demie. On n'était pas proche de la médaille de bronze, mais on l'a eu pareil. Mais c'est le fun parce qu'on a figuré beaucoup de mécaniques. On a trouvé des nouvelles façons de faire les boss. Puis ça nous a beaucoup préparé aussi pour les raids, je pense. Là. Regarde, tu peux pas rester dans de la merde à terre, ça va te tuer en 2 shots. Non, tu peux pas te faire pogner par une habileté, tu vas mourir. Fait que c'est super bon. Si vous voulez de la bonne pratique, jouez avec vos chums pour vous préparer au raid. Là. Les challenge modes, là, c'est ça que vous fassiez. Puis en plus, ça drop du bon gear. Je pense que c'est même plus dur là, que les raids. Là, parce que pour vrai, là. Tu peux pas vraiment te tromper. Tu peux pas rester 0.5 secondes dans le feu. Là. J'en ai eu l'expérience en partant. Moi, je suis habitué, là, tu sais, que bon, il y a du feu, bon, finis mon cast, on va me mettre un petit peu de heal, tu sais, je vais bouger après, tu sais. Non. Tu peux pas faire ça en challenge mode, là. Tu restes dedans, t'es mort. Mais en tout cas, j'aime vraiment ça. C'est super intéressant comme difficulté, là. Ben ouais, c'est le fun. Puis j'espère que pour les prochains, mettons, patchs, les prochaines patchs, ils vont peut-être augmenter le loot qu'ils donnent. De ça, mettons, à chaque jour que tu le fais à chaque jour. Ça vaut tout le temps la peine des fois. Ouais, c'est ça, parce que on dirait que là, si ça drop tout le temps du 640, mais là, quand on va être tout plus que 640, ça donne quoi après le premier raid, on le fera plus dans le fond. Mais ça serait une bonne idée qu'il augmente le loot parce que tu sais, là, on le fait, on n'est pas proche, ça nous prend comme 2h30 pour le faire. Ouais. Puis pour avoir une médaille, c'est comme 45 minutes. Ouais. Puis la meilleure médaille, c'est une affaire genre 15 minutes, là, ouais, ou, ben, dépendamment du donjon. Mais tu sais, si tu es habitué de les faire, puis de les refaire, puis de les refaire, puis de les refaire, plus souvent que tu es fait, t'améliores ton temps. T'as le goût de les faire parce que ça drop du loot. Puis en plus, ben, plus c'est fait, plus tu te rapproches du temps. Fait que peut-être tu peux pogner des médailles puis les récompenses justement challenge mode avec ça. Là. Fait que c'est bien, ça serait cool. Ben, moi, je trouve que c'est ça, les challenge modes, ça devrait être une façon de se guérir aussi. T'sais, pas juste pour avoir des weapons qui look cool ou ben mount, des affaires là. Parce que ça implique beaucoup de temps, ça implique que tu sois à ton affaire, ça implique beaucoup d'affaires, puis au bout du compte, quand tu finis ça, t'as comme rien, tu sais. Là, en ce moment, on a des loots, sauf que, tu sais, si je me fie à ce qu'on avait avant, t'avais rien au bout du compte, là. C'est ça. Si ton set, tu le trouvais laid, ça valait pas la peine de le faire, tu sais. Ça, puis en plus, tu mettais 2 heures dans un challenge mode, au bout de 2 heures... T'avais rien, aucun loot. Là, en ce moment, au moins, t'as des loots, sauf que je trouve que ça devrait être une bonne manière pour le monde qui sont motivés, qui veulent mettre le temps, qui aille un loot au bout du compte, ouais, puis un bon loot. Là. Ça va rehausser le niveau des joueurs aussi, ben parce que c'est super dur. Là. C'est pas facile. C'est un super bon entraînement. Là. Puis le monde qui trouve ça facile, ben tant mieux pour vous autres. Là. Vous êtes sûrement les kings de WoW. Là. Vous êtes super forts. Là. Puis je sais que c'est sûrement facile pour du monde là, qui sont vraiment pros. Mais pour le monde plus normal. Casual, normal, c'est des joueurs pas très bons, c'est un bon challenge, OK? Parce que OK! avant qu'on ait des personnes frustrées, oh, c'est facile, challenge mode. C'est facile, je fais ça tout seul. Mais non, le monde, ils finissent ça en 3 minutes, puis ils le font à 3, c'est facile. Ben ouais, va donc le faire, toi. T'sais. Ça me ferait aussi. Là, d'un forum, il parlait que c'était pas long, leveler. Parce qu'il y en a un qui a réussi à le faire genre en 5 heures. Là, après ça, le monde dans le forum était comme, oh, c'est pas long, leveler, ça prend juste 5 heures. Mais non, ça prend pas 5 ça heures. Moi, ça me prend à peu près 18 heures, là. Je sais pas toi. Hein. Non, c'est ça. Sauf que, tu sais, ça prend 5 heures pour le gars qui a trouvé tous ces trucs-là, puis qui a clenché ça comme un esti de fou, puis qui connaît tous les trucs. Mais pour une personne normale, ça prend pas 5 heures, là. Tu sais, fait que, tu sais, dans le fond, dans le forum, il généralisait que tout le monde, ça allait prendre 5 heures. C'est pas long, ça prend 5 heures. Le gars, il l'a fait en 5 heures. Ça prend pas 5 heures, j'étudie 5 heures, aussi. Ça prend 20 heures environ, là, moi, je dis, là, pour quelqu'un de bien normal. Là. Ouais, ouais. Fait que, ouais, fait que Ben, j'aimerais ça là, qu'on passe un peu au segment. Là. Dis-moi qu'est-ce que t'as... On va commencer par le négatif. T'in. Dis-moi qu'est-ce que t'as un peu moins aimé de l'expansion en général. Ouais, là, je vais leur dire, là. Pis si la nuit écoute ça, il va être en tabarnak, là. Mais le pot flying, là, ça me fait calissement chier en esti, là. Je l'ai dit assez dit, là. Explicit check. Tag. Check, là. Le pot flying, là. Ah, y a plein de monde, là, qui me disent qu'ils aiment ça, là, pis tout. Pis ils ont aucune raison d'aimer ça. Ben, je leur demande pourquoi t'aimes ça. Je sais pas, j'aime ça, c'est vraiment cool. Rester à terre, pis tout. Pis moi... Je comprends pas, man. Je suis tout le temps en train de sacrer parce que je reste pogné dans une calisse de racines assis à chaque 2 calisses de mètres. Puis là, j'ai une crise de quest au-dessus d'une calisse de montagne ou dans une calisse de grotte. C'est jamais à bonne place, man. Puis ça te prend 45 minutes de faire le tour de la montagne pour te rendre à ta crise de quest tant que ça t'aurait pris 3 minutes d'y aller en flying. OK? Moi, je trouve que pas de flying... C'est le fun pour le PVP. Quand tu veux faire du PVP, c'est le fun. Le gars, il faut qu'il se sauve d'une manière plus dure que juste hein, je monte puis je m'en vais. T'sais. Fait que s'il veut se sauver, c'est plus dur. Mais sinon, pour quester, c'est l'enfer. Pour quester, pour faire n'importe quoi, c'est l'enfer. Puis moi, je veux le flying n'importe quand, man. Donne-moi ça demain, esti. Je veux ça, là. Il y a plein de flypads partout. Ouais, des flypads à toutes affaire, les là, 2 secondes. Une autre affaire, là, le style de flypad, man, je suis plus capable. Hey, c'est bien le fun, là, pas de flying, mais Chris, tu passes la moitié de ton temps à être sur le flypad. Tu checks, Si tu veux aller à quelque part, bon, il y a où le flight path le plus proche. OK, si t'en vas là. Là, tu te rends là, ça te prend 5 minutes pour te rendre au lestit flight path pour voler à l'autre crise de flight path. C'est, tu te retrouves tout le temps à voler dans le flight path. Fait que tu voles pareil, mais c'est pas toi qui contrôle. Fait que je trouve juste que c'est con. Je trouve qu'il n'y a pas de flying, là. C'est juste, man, ça consomme ton temps, c'est long, puis tu perds du temps pour rien à faire. Mais tu sais, ils ont misé beaucoup sur la nostalgie là, pour cette expansion aussi. Là. Il n'y en avait pas dans le temps. Ouais, on sait, toi, tu le sais pas, là, mais moi, je le sais, là, il n'y en avait pas dans le temps des fly mounts. Là. T'as joué à Vanilla? Ouais, moi, je suis vraiment meilleur que toi parce que moi, je le sais qu'il n'y en avait pas là, dans le temps des flying mounts. C'est quand tu fais pour savoir que quelqu'un a joué dans Vanilla WoW. Il en parle tout le temps. Ouais, inquiète-toi pas, il va te le dire. C'est ça. Mais c'est ça, mais je pense que c'est un peu pourquoi ils ont fait ça aussi, mais c'est cool. Okay? Ben, moi, je trouve que c'est cool, pas de flying. Sauf pas partout, là. C'est comme ce qu'il avait fait à Timeless, ok, tu sais, c'était une petite place. Que là, il n'y avait pas de flying, puis c'était le fun. Il y avait un petit peu de PVP, puis tout. Mais si tu voulais pas être sur ce style-là, tu pouvais voler, puis c'était bien correct de même. Puis Ashran, ça devrait être comme ça. Ashran, pas de flying, mais tout le reste de Draenor, je vois pas pourquoi il pourrait pas avoir de flying. Je comprends pas pour vrai. Ok, y a-tu d'autres choses que t'as pas aimé? À part le flying? Ouais. Non, man, le flying, je suis pas capable. Mais y a-tu d'autres choses à part ça? Non, mais. Que j'avais pas aimé. Pour vrai, au début, j'aimais pas trop les garisons. Parce que je comprenais pas vraiment. J'étais comme. Bon, je pars mes followers. Je reviens, si je repars mes followers. Si j'étais comme. Chris, tu joues pas, tu fais cliquer sur des affaires, puis. Tu t'en vas faire d'autres choses, puis t'en reviens, puis t'en cliques dessus, puis j'étais comme. C'est plate, tu sais. Sauf que là, à force de le faire, puis là, mes followers, ils s'en reviennent 100, puis là, ils s'en reviennent plus fort, puis là, t'as comme des loots gratuits, du gold gratuit, de l'XP, plein d'affaires. J'étais comme, hey, Chris, c'est cool, tu sais, ça prend pas grand chose, puis t'as plein d'affaires gratuites. Fait que, tu sais, à force de le faire, je commence à aimer un peu plus ça. Puis sinon, tout ce qu'ils ont fait avec la garnison, puis les buildings, puis tout ça, je trouve c'est vraiment cool. Pour de ça, peut-être le fait que les trinkets du Dark Moon, ils sont un petit peu moins forts. Je trouve pas ça vraiment cool. Mm-hmm. Ils ont rajouté au crafted gear normal. Là, fait qu'il est comme tout le crafted gear est 640. Ça, je trouve pas ça vraiment hot. Ouais, ils vont devenir désuets pas mal plus vite qu'avant. Ouais, c'est là. Ça. J'aimais ça que Dark Moon Trinket, là, c'était fort en crisp. Puis tu pouvais l'avoir pour quasiment deux tiers de raid. Mm-hmm, puis que c'était bon. Là, c'est vrai. Puis que ça valait cher. Puis tu pouvais faire bien du cash avec ça. J'en fais pareil, là, mais on dirait que ça me fait chier. C'est quelque chose qui me fait chier. Mais sinon, non. À date, ça, c'est pas ça, mal ça, tout. Ça ressemble à ça. Ouais, toi. Ben, moi, dans le fond, quelques petits points. Là. Ben, premièrement, le Molten Core, l'instance qu'ils ont faite pour les 10 ans, c'est vraiment une plaie faire cette instance-là. J'ai eu en 347 heures que ça m'a pris pour le faire, j'ai eu 0 seconde de plaisir. Et la seule raison pourquoi je suis resté jusqu'à la fin, c'est parce qu'ils droppaient un casse, une mount, puis une chance d'avoir plein d'autres affaires cool. Mais je te promets que je referai plus jamais, jamais, jamais ça de toute ma sainte vie. Parce que c'était les pires moments que j'ai passés dans le jeu à tout jamais de ma vie. Moi, je pense que c'était une grosse erreur de mettre ça, Raid Finder de même. Aussi dur pour Raid Finder. Le monde, là, il rentre là, YOLO, YOLO pull, ils savent pas quoi faire, ça wipe pendant 45 minutes à la même place. C'est les mêmes mécaniques qu'en Raid, là. Fait que c'est aussi, ben, pas aussi dur qu'avant, là, mais c'est les mêmes mécaniques qui n'ont pas changé. Donc, ça prend de la stratégie, ça faut être préparé. Tu peux pas juste rentrer dans le tas comme le monde y font. Puis ça, c'est si tu finis par le finir, si tout le monde ne sac pas leur camp là, après genre 4 boss parce qu'ils sont écœurés, tu sais. Fait que ça, c'était vraiment, vraiment pas trop intéressant. Puis je trouve ça plate parce que c'est pas un bel événement pour souligner 10 ans d'un jeu. Là. Non, c'est ça. Ce que j'avais aimé, par exemple, ben, en tout cas de ça, parce que j'ai aimé des affaires de Mountain Core. C'est juste qu'il y avait des affaires, sûrement qu'il y avait dans le temps. Mais tout le monde a comme le curse sur eux autres. Fait que toutes les classes qui ont des D-curse, faut qu'ils les utilisent. Genre les mages, faut qu'ils D-curse tout le monde. Si t'avais joué là, dans le temps, là, ouais. C'était comme ça. Ah, mais c'est ça. Ça, je trouve ça cool, man. Parce que c'est le fun. Sauf que là, en Raid Finder, là même, personne ne le fait. Puis là, je me retrouve le seul avec un autre healer, tu sais, à dispeller, parce que là, à Star, les DPS, les mages, ça décurse jamais, tu sais. N'importe quel DPS qui peut décurser, ils le font jamais. Fait que je trouve que ça a fait un environnement de marde, mais tu fais ça avec un groupe qui sait quoi qu'ils font. Chris, je trouve que c'est de quoi peut-être qu'ils pourraient remettre dans une fight, là. Ça aurait-tu pu être le raid qui, mettons, qui drop du 640, qui sort en même temps que l'expansion, que tu peux runner en, mettons, toutes les, tu sais, mettons, normal, ouais, héroïque, mythique, que tu fais avec ton groupe. First, ça te prépare à la chimie du groupe, etc. Souvent, aux expansions, les groupes changent un peu et tout. Puis ça te permet de te gearer up. C'est comme c'est une belle pratique, là, puis c'est comme le entry raid là, pour le vrai raid qui vont sortir bientôt. Là, ça aurait été intéressant, peut-être un peu plus. Quoique, sûrement un peu moins accessible à tout le monde. Là, ouais, ben ça aurait été normal, héroïque, mythique. Toutes les difficultés. Puis le loot, ça aurait été, mettons, moins fort qu'à Imol. T'sais, mettons, juste 6.35 au pire. 6.35... normal, 6.40 héroïque, puis 6.45, tu sais, mythique. Je trouve que ça aurait été vraiment fou, là. Ouais. Parce que ça aurait été de quoi à faire, ça aurait été... Sauf que là, tu sais, c'est juste Raid Finder, c'est tough, c'est de la merde, c'est 4 heures de ta vie que tu perds juste pour le loot à la fin, là, tu sais. Ouais, ça, y a rien d'autre qui drop, là. Puis si tu te fais déconnecter ou tu t'en vas après... 2 heures, puis qu'il restait un buzz, ben t'as perdu ces 2 heures-là. Fait que c'est pas que. Commence, man. Ouais, commence du début. Puis moi, je vais te dire mon expérience de ça. Je suis rentré dans un groupe qui était rendu comme. Il restait 3 boss à tuer avant Ragnaros. Il a acheté le cœur. Ouais, j'étais le cœur en crise. Sauf que l'affaire, c'est qu'il y a un gars qui faisait chier le groupe depuis le début. Puis là, ils ont décidé de le kicker à ce moment-là. Puis là, ils l'ont kické, sauf qu'il est comme resté dans l'instance. Il s'est jamais fait téléporter out. C'est sûrement un bug, là. Fait que là, ce gars-là, man, il s'est donné comme but. Je vais faire wiper le groupe avec toute la trash que je peux emmener, man. Tout le temps, à chaque boss. Fait que ça m'a retrouvé à prendre comme 2h30 pour les 3 derniers boss. Ah, non, pauvre. Parce que le gars emmenait tout le temps de la trash dans les boss, hein. Puis il pouvait pas sortir à rien. Il était tout le temps là, puis ça le téléportait pas, man. Fait que ça a été un enfer pareil, même s'il me restait juste 3 boss. Puis j'ai finalement eu ma mount, mon casque, puis je le refais plus jamais. Yes, sir. Fait que ça, c'est un autre truc que j'ai pas trop trippé. Aussi, vite fait, la daily quest, en fait, t'as une daily quest là, quand même importante à faire chaque jour pour des Apex Six Shards. Ouais, Apex Six Crystal. J'aime l'idée, mais ouais. J'aime pas l'exécution. Je t'explique. Ouais. Parce que là, dans le fond, t'as le choix entre deux quests. Une qui t'en va t'en donner 800, tu peux faire solo. Super cool, ça, j'ai pas de trouble avec ça. Mais il y en a un autre que tu peux faire en groupe qui t'en donne 1000. Fait que laquelle tu penses qu'on prend? Celle qui en donne le plus, c'est sûr, tu sais. Mais là, en réalité, qu'est-ce que ça finit par être? C'est que tu t'en vas à la place où c'est qu'il faut que tu fasses ta quest. Tu te pognes un groupe que vous êtes 37 dedans, vous faites juste vous promener avec vos mondes, dismonter, péter 3-4 affaires, remonter, péter 3-4 affaires. Tu fais juste, dans le fond, suivre un troupeau, puis c'est vraiment plate, là. Ouais. Regarde, je sais pas c'est quoi, c'est vraiment pas le fun de faire ça, mais tu sais, faut que tu le fasses pareil à tous les jours, là. C'est comme farmer des grenouilles à Timeless Isle. Ça, c'était une fois semaine, par exemple. Ouais, mais tu sais, faut que tu le fasses. C'est pas le fun. Ça prend comme 25 minutes. Puis après ça, c'est fini. Fait que, tu sais, mettons qu'il y aurait eu les 1000 à solo, mais tu peux le faire tout seul dans tes affaires, aller à ton rythme. Ça, c'est plus cool. Mais c'est juste que juste être comme 40, ça s'enlève le fun, là. En tout cas, moi, je trouvais ça vraiment pas le fun. Je sais pas si t'as filé un peu la même affaire. Non, moi justement, quand il y a ces quests-là de groupe, je clique tout de suite dessus, je check même pas l'autre parce que c'est elle que je veux faire parce que ça va tellement vite avec 40 personnes, man. Surtout celle de Pit, là, que ça se fait en... Pour vrai, là, 10 minutes, t'as fini là, avec un groupe qui arrête jamais pour rien, là, mais qui roule tout le temps. Puis en plus, au début, tous les mobs, ils droppaient comme 30, 40 Apex 6 quand t'avais un bon tas, là, quand t'avais fait un bon tas. Fait que tu montais des Apex 6 puis tout. Fait que ça, j'aimais ça. Mais là, ils viennent d'enlever ça. Ils ont fixé ça. Les mobs, ils droppent plus d'Apex 6. Fait que tu fais juste vraiment tourner en rond puis tuer des tas de mobs pour faire monter la barre de progression. C'est vite, mais c'est plate. C'est ça. Ben, moi, ce que j'aime pas des Apex 6, hein, c'est que t'as pas vraiment de manière d'en avoir. T'as juste comme ta daily à chaque jour, mais oui, une daily. Puis c'est tout là, pas mal. C'est pas mal juste ça. Ouais. Tu peux farmer des mobs, mais c'est long, là. C'est vraiment pas bon de faire ça. C'est ça, comme tu pouvais farmer des mobs, sauf que là, ils l'ont enlevé, ces drops-là, et ça drop ouais. quasiment plus. Fait que t'as comme plus de manière à part ta daily. Puis là, c'est quoi que tu peux acheter avec ça? Tu peux acheter des mounts, qui c'est comme 5000 Apexis plus 300 millions de gold. Puis là, tu vas une mount. Tu peux acheter des followers, 5000 Apexis, puis coupe de gold, t'as des followers. Mais là, c'est si tu veux t'acheter du gear, parce que le monde, il disait, les Apexis, ça va remplacer les Veilers un peu. T'sais, fait que là, on peut s'acheter du gear avec les Apexis. Sauf que là, ce que je trouve BS, c'est que c'est ben trop cher. Ouais, le gear vaut vraiment pas la peine, là. Tu Ben sais, non. l'Apexis, à quoi ça va servir, là? Ça va servir à pogner tes tokens pour avoir des extra rolls. C'est pas mal l'affaire la plus utile que tu vas avoir. Une Ouais. fois que tu auras toutes les mounts, etc. Si ça t'intéresse de pogner ça. Mais le gear qui est 640 avec possibilité d'être upgradé et tout. 630 même. Mais ouais, c'est 600, 630, c'est ça coûte comme l'héroïque. 3000. 3000 Apexis pour 630. Là, après ça, il faut tailler le piece pour pouvoir payer 9000 Apexis pour qu'il soit 645. OK, 9000 plus 3000, ça fait 12000 Apexis pour avoir un 645. Puis là, si tu veux l'autre version plus haute, je pense que c'est comme 19000 Apexis. Fait que ça rend ça beaucoup trop cher pour avoir la dernière version. Puis en plus de ça, il faut tailler les versions d'avant pour pouvoir acheter le piece. Fait que moi, mettons, là, j'avais acheté la cloak, 3000 Apexis. Je comptais l'upgrader à 645 avec 9000. Sauf que là, hier, on fait un challenge mode, pogne ma cloak. Fait que ça me donne plus rien de l'upgrader. Si je veux partir un nouveau piece, il faut que je rachète un 3000. Puis après ça, un 9000 pour avoir la deuxième version du Ouais, piece. ça vaut vraiment pas la peine Comprends-tu de faire que ça. c'est l'enfer? Puis si on se fie auparavant, les Valor Points, tu pouvais en pogner comme 1000 par semaine. Puis à 1000 par semaine, si tu t'achetais un piece à 1000, tu avais l'équivalent d'un piece que tu peux qui drop dans le normal, là, dans le fond. T'sais. Dans le raid normal, ben à Star, c'est héroïque. L'ancien normal, nouveau héroïque. OK? On commencera pas avec ça. On commencera pas. Puis là, à Star, les Apexis, ce que ça te donne, c'est même pas l'équivalent de ça pour beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Fait que je suis comme, pourquoi ils ont fait ça? Puis on dirait que les Apexis, c'est juste un peu inutile en ce moment. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire pour Mais ça. tu sais, c'est une alternative de plus pour quelqu'un qui n'a pas le goût de faire des donjons héroïques. Tu sais, c'est plus long, mais quelqu'un qui va se Pour loguer à quelqu'un. chaque jour pour. Je sais que c'est de Ouais. la merde, mais c'est juste une avenue de plus. Tu sais. Il te manque un piece là, que tu n'es vraiment pas capable de pogner d'un donjon. Là. Comme moi, mettons, là, j'ai pas d'épée. Okay? Ça fait deux semaines, je suis comme super gros. Au high level, mais j'ai une épée de crap là. Fait que tu l'achèterais pour 5000 Apexis, Mais tu sais, mettons. mettons le soir du raid, là, si je l'ai pas, je vais peut-être aller la pogner, tu sais, ça Sauf se qu'il n'y en pourrait. a pas. Ok. Il y a juste une coupe de piece, il n'y a pas de weapon. Ouais, tu vois, c'est que ça marche pas. Fait que les Apexis, Ça sert à rien. c'est une astuce de bonne manière pour ceux qui veulent se pas guérir, tu Ouais. Mais gardez-les pour acheter des tokens pour des extra rolls. C'est pas mal la seule affaire utile. Soit ça, ou bien c'est comme je disais, les followers puis les mounts. Fait que ça va être plus pour acheter des cochonneries de même que pour du gear, parce que pour le gear, ça vaut pas la peine, pas une seconde. Fait que c'est pas mal ça. Puis sinon, moi, le dernier truc là, qui accrochait un peu plus pour moi, c'est cette expansion aussi. Les garnisons, c'est cool. Moi, qu'est-ce qui m'accroche par contre, c'est que les professions soient liées aux garnisons autant que ça. Ouais. Autrement dit, moi, je voyais pas de faille vraiment dans l'ancien système de crafting. Je trouvais ça bien correct comme c'était là. Tout le monde était habitué de même. Il n'y avait pas aucun problème. Ben, en tout cas, à moins que tu me contredises, mais je trouvais que c'est un système qui marchait bien. Puis au fil des expansions, il l'avait raffiné là, quand même pas mal là, avec des daily cooldowns, avec des recettes que tu découvres à chaque jour ouais. en faisant tes cooldowns, justement. Tu peux pogner des mats un peu partout. Au auction house, etc. Mais là, tu peux. Si tu veux faire tes professions, t'es obligé d'avoir ça en lien avec ta guérison. Autrement dit, mettons, moi, je ne traite pas guérison. Je veux rien savoir de ça. Je la lève pas. Je la level pas. Je joue pas avec. Il n'y a pas de stress. Là. Je peux jouer. Tu peux jouer quand même à World of Warcraft en guérison, mais tu pourras pas faire tes professions. Là. Mais non, si tu veux te rendre à 700 sans guérison, c'est pas possible. C'est ça, c'est impossible. Faut au moins que tu l'aies eu pour apprendre des recettes. Pour te rendre c'est jusqu'à ça. 700, mais si t'as pas de garnison, si t'as pas de petit building, t'auras pas de personne pour t'apprendre les recettes. Fait que c'est comme, t'es obligé de l'avoir, là. Mais tu sais, c'est quasiment impossible que tu fasses pas ta guérison parce que c'est facile, c'est quelques clics et tout. Mais ça, c'est correct. Mais moi, c'est. Tu sais, dans les faits, je le fais tout ça, puis c'est correct, mais j'aime pas le principe qu'il soit lié autant que ça, que je puisse pas juste comme faire de mes professions bien normales, tu sais. Ça aurait été le fun que ça soit un plus. Au lieu que là, c'est comme, c'est pas un plus, c'est faux, tu le fasses. T'sais. C'est ça. C'est ça. C'est comme ça marche. Puis aussi, une petite affaire, moi j'ai pogné mon troisième petit building, c'est une profession que j'ai pas. Ouais. J'ai pogné Inscription. Ouais. Puis à part faire la Dark Moon Card, là, tu peux faire absolument rien que ça. Là. C'est vraiment weapon. Poche. Regarde, je sais pas à quoi ça sert. Dès que le raid va être sorti, qu'on va pogner des meilleurs trinkets, là, je vais l'enlever puis je sais même pas qu'est-ce que je vais mettre. C'est inutile totalement. Là. Ben, c'est ça un peu. Là. Je veux dire, c'est... Inscription, en tant que tel, la profession est assez inutile. Là. Non, non, faire... mais je veux dire, il aurait pu faire que, mettons, moi, je suis un paladin, je peux crafter toutes les glyphes de paladin, mais aucun autre, mais au moins les glyphes sont utiles pour moi. T'sais, ça, j'aurais trouvé ça intéressant, mais je peux faire aucun glyph, je peux faire aucun enchant de shoulder, même s'il serait poche, là, ben il n'y en a plus d'enchant de shoulder de toute façon, mais c'est un exemple, tu sais, c'est rendu vraiment inutile, là, que... Ouais, là, tu peux comme juste faire les weapons puis les Dark Moon Cards, fait que un coup que ça, c'est fait, tu sais, que t'as ton weapon puis t'as ta Dark Moon Card, ben t'as toutes les trinkets que tu veux, ben là, c'est comme, c'est juste pour faire de l'argent, tu sais, si tu veux essayer de vendre des mais c'est des plus, caps, c'est tout. Plus vraiment utile, fait que... Dans le fond, ça wrap up un peu là, de qu'est-ce que j'ai moins aimé. Là. Ouais. Donc là, on tombera un peu plus dans le crunchy. Là. C'est quoi, Ben, là, tes highlights? Là? Qu'est-ce... Mettons là, que tu veux me vendre l'expansion, là, c'est quoi pour toi? Là? OK, ben... Viens jouer à l'expansion, c'est, c'est vraiment cool. Non, mais parce que mettons ce que j'ai aimé, puisque ce qui est vraiment cool, l'expansion. Ouais. OK. Ce qui est vraiment... Tes gros points forts, mettons. Là. Ouais, ce qui est vraiment cool de l'expansion, c'est la difficulté des héroïques. Je trouve qu'ils ont trouvé une bonne balance pour ça. Un parce sweet que... spot. Parce que c'est pas trop facile, tu sais. Tu t'en vas pas là-dedans, puis tu pulls toute la trash, puis y a personne qui pogne aucun damage. C'est full facile, là, les héroïques, là, puis challenge aussi, c'est super facile. Ah, c'est facile, là. C'est ultra facile. Là. Moi aussi, là, je trouve ça facile, mais tu sais, c'est quand même dur, là, tu sais. C'est quand même un petit peu dur, là. Fait que c'est ça, tu prends ton temps, puis ça, je trouve ça cool, puis la difficulté est bonne. Tu sais, c'est pas à Mists of Pandaria là, que, tu sais, on n'a pas besoin de healer. Là. Moi, je me queuais en healer, mais je dépiaissais, tu sais. Mais là, tu peux plus faire ça, faut que tu l'aides ton healer, tu sais. Fait que ça, je trouve que l'héroïque, c'est la difficulté est parfaite en ce moment, c'est le fun à faire. Puis en plus, l'héroïque sont le fun à faire aussi. Ouais, puis t'as un challenge quand même, là, c'est tough. Ouais. Puis, tu sais, si t'as un healer qui est moindrement pas très bon, t'as garanti que c'est pas facile, un héroïque, man. Parce qu'il faut que t'ailles des healers qui savent pas gaspiller leur mana, puis sont assez durs à trouver, on dirait, ces temps-ci. Fait que, faut que... Moi, je trouve que c'est vraiment cool. Ça, c'est un plus, l'héroïque, là. Okay. À max level. Là. Sinon, à part ça? Ben, sinon, c'était l'expérience de leveling que j'ai trouvé cool. Okay. Avec les bonus objectifs. Ça, je trouve que ça a été le plus. Les bonus objectifs. C'est tellement hot, les bonus objectifs, que tu passes à côté puis t'as aucune raison de pas le faire. Ouais. Ça donne tellement d'XP, c'est tellement vite. C'est pas tellement dur. C'est comme une quest gratos qui donne 40 fois plus d'XP. C'est vraiment cool, ça. Seul point négatif pour ça, c'est que moi, je l'avais fait quand tout le monde levelait. Fait que souvent, je me retrouvais à attendre après des hosties d'œufs qui spawnaient jamais puis des affaires de même. Fait que le bonus objectif était long à faire. Ah, mais c'est fini. Sauf que c'est ça. T'sais, si je le refais aujourd'hui, j'imagine que le bonus objectif, ça va être vraiment hot, là. Puis ça va être une façon facile de leveler rapidement. Il y a aussi le guérison. Ils ont rajouté, je sais pas si c'était là au début, mais tu peux pogner de l'expérience en faisant des missions avec tes followers. Je sais, j'étais en train de checker un peu sur mon chaman, puis des fois je fais des missions, puis ça me donne comme 20 à 30 000 XP pour faire remplir une mission. Okay. Fait que ça, c'est très nice. Cool, là. Parce que ça, tu peux. Si tu réussis à te rendre sur tous tes bonhommes à ta guérison, tu peux faire tes missions une fois de temps en temps, puis pogner du XP de même, puis ça booste ton XP. Puis moi, j'aime ça avoir des haltes, mais j'aime pas ça leveler. Fait que ça, c'est un plus pour moi. Puis sinon, pour l'expansion à date, c'est ça. Le Crafted Gear, c'est le fun, à part les Dark Moon Trinkets, parce que c'est une manière de faire de l'argent, puis c'est accessible à vraiment tout le monde. Ouais, le monde avant qui essayait pas trop avec leur profession. Moi, genre. Ouais. Genre, toi, toute la guilde. Tu sais, toute la guilde avant, il y avait juste moi qui se donnait vraiment, tu sais, pour avec ses professions, puis faire un peu de cash, puis tout, parce que, tu sais, c'était pas des maths faciles à avoir trop. Mais là, dans la guérison, c'est des maths que tu pognes toi-même dans ta guérison, puis ça prend 2-3 secondes, puis t'as un cooldown à chaque jour. Il suffit que tu y ailles tous les jours, puis après une dizaine de jours, t'as un piece, fait que ça, c'est cool. Ça. Fait que si t'es assidu, tu vas avoir ton piece, puis. Fait que ça, je trouve que c'est de quoi de le fun. Parce que tout le monde est impliqué à Star. Tout le monde peut participer à ça. C'est sûr que c'est peut-être moins facile de faire de l'argent vu que tout le monde fait ça. Sauf que c'est une bonne chose. De l'autre côté, il ne sert plus à rien parce que tu peux tout faire toi-même. Fait que... Ouais, c'est ça. OK, ça ressemble à ça pour toi? C'est ça. OK, mais moi, je te dirais que ça rejoint pas mal qu'est-ce que tu as dit. Couple de petites affaires de plus. Moi, j'ai l'impression que cette expansion-là, c'est Timeless of Draenor Isle. tous les trucs que tu peux cliquer puis ramasser en questant, c'est cool parce que tu vas faire une quest puis en te promenant dans ta mante pas flyée, tu peux. Il n'y a pas une fois là, qu'en changeant de quest, quasiment, faut pas que tu dismontes pour cliquer sur quelque chose, looter un item, looter des Apex Shards, looter des ressources de garnison, looter du gold. Tu es tout le temps en train de looter des affaires qui te donnent vraiment beaucoup d'expérience en passant. Là. Si vous levelez un alt là, ou votre main ou peu importe, cliquez là-dessus, ça donne l'XP sans bon sens. C'est ça, j'ai trouvé. C'est quoi ça. Le nom du add-on? Ça vous prend le add-on EndyNote avec le add-on. EndyNote _ Draenor Treasure, ok? C'est ça. Vous pognez ces deux affaires-là, ça va tout vous montrer sa map, c'est où, les trucs à cliquer. Ça vous prend ça pour leveler, vous allez voir, ça va vraiment vite. Ça vous le met dans votre minimap, fait que si vous êtes en train de faire une quest, puis oh, qu'est-ce qu'il y a dans ma minimap, il y a un petit objet ici. Ah, ok, je le vois, je clique dessus, 20 000 XP. Ça vous dit tout qu'est-ce que les rares spawn aussi, ils drop, fait que c'est super intéressant pour leveler. Puis tu vois, mettons que je voyais une grotte, avant, mettons, la dernière expansion, si j'avais pas de quest à avoir dans cette grotte-là, j'y allais pas. Ouais. Maintenant, mais là, j'avais pas la donne justement quand j'ai levelé mon premier bonhomme. Là. Mais mettons, je voulais aller voir dans la grotte, savoir, y a-tu un rare, y a-tu quelque chose à looter là. Tu sais, c'est juste le fait que j'y pense à y aller, pour moi, c'est un gros plus, puis ça, c'est un gros signe que ça marche, qu'est-ce qu'ils ont fait. T'sais. Ouais, c'est. Ça marche en esti, là, pour vrai, ce qu'ils ont fait. Puis je pense pas que. En tout cas, j'ai pas eu personne qui m'a dit qu'il était déçu, là. Tu sais, de l'expansion. Le monde qui ont pas trop joué depuis que c'est sorti, qui ont joué un petit peu, c'est parce que dans leur vie en ce moment, ils ont moins de temps de jouer, mais non, c'est ça. Ils ont le goût de jouer, là. Mais non, c'est super le fun, puis t'es constamment, t'as constamment des rewards dans le fond pour ce que tu fais. Là. Tu tues un boss, t'as un loot assuré, t'as tout le temps de quoi cliquer, c'est écœurant. Moi, ça, c'est un super, super gros highlight. Ouais. Dans le fond, le dernier truc là, qui est vraiment, que je trouve vraiment cool, c'est les nouveaux talents de Level 100. Ouais. Là, moi, je peux pas parler pour beaucoup de classes, mais moi, je joue un pali. Je suis tank en ce moment, puis aussi j'ai un chaman, ok? C'est pas mal les deux classes que je connais bien. Ouais. Puis je te dirais que les talents de niveau 100, là, sont vraiment, pour mon pali, là, du moins, là, sont vraiment les trois super, super intéressants. Puis, tu vas sur les sites, tu te renseignes dans les forums, le monde sont tous dispersés pour savoir c'est lequel qu'ils choisissent. Tu peux y trouver ton compte dans les trois, sont bons. Là, ça dépend un peu de ton playstyle. Il y en a qui sont un petit peu plus difficiles à utiliser, mais qui vont être un peu plus... qui vont un petit peu te redonner de qui vont t'en redonner plus quand tu les utilises comme il faut. Il y en a d'autres que c'est des passifs qui sont un peu plus faciles à utiliser, mais qui sont comme super easy à utiliser. Fait que c'est bon aussi. Franchement, là, ils sont vraiment proches un de l'autre. Puis ça, je trouve que c'est intéressant parce que t'as plus de builds préfaits qui sont vraiment meilleurs qu'un autre. Là. Ouais. Ben, c'est ça qu'ils voulaient faire aussi, le Blizzard. S'assurer que à chaque talent, là, à chaque étage de talent, que les trois soient viables le plus possible. Puis ce que j'avais écouté une entrevue avec un développeur de WoW. Puis ce qu'il disait à cette affaire-là, c'est qu'il regarde, mettons, les statistiques, de combien de personnes prennent tel talent. Puis si la majorité prennent tel talent, ben ils vont s'arranger pour soit buffer les deux autres ou ben nerfer lui qui prend tout le temps parce que c'est pas normal. T'sais. Fait que ce qu'ils veulent vraiment, c'est balancer les trois là, pour que n'importe quel soit à peu près aussi bon, pas qu'il y en ait un meilleur que d'autres puis que tout le monde finisse par le prendre. Là. Mais je te dirais que pour le level 100, ils ont, en tout cas pour Shaman et Pali, ils ont réussi leur mandat là, parce que c'est vraiment parfait. Là. Pour Druid Resto, en tout cas. Ouais. Restauration. Mettons que les trois sont quand même viables, mais c'est qu'il y en a un qui est tellement hot à jouer, puis comme c'est trop, c'est sûr que c'est lui que tu vas prendre. Ok, là. Ok. Ben tu vois, moi j'ai monté mon off-spec de healer avec mon pali. Ouais. Puis en healer, il y a vraiment juste un choix pour le raid. Ah ouais? Ouais, ça c'est vrai. Par exemple, c'est vu que le pali peut faire les trois tank, heal puis DPS, les trois talents ils changent à chaque fois que tu changes de spec. Mais en tout cas, celui de tank et DPS, il en partage deux. Il y en a juste un qui change, puis healer, les trois changent, puis healer, il y a vraiment juste un choix. Fait que ça dépend de ton spec, là. Ouais. Mais je te dirais qu'en général, ils ont quand même bien réussi ça. Ouais, ouais. Ça, c'était pas mal ce que je trouvais que ça a été très réussi, qui était intéressant, puis qui va amener aussi un peu de diversité dans le gameplay, parce que tu vas avoir des mêmes classes. Mettons, deux Survival Hunters, ça se peut qu'on ait ça dans notre groupe. Qui vont avoir, mettons, des talents différents. Fait que c'est intéressant, là. Ben, juste les Warriors, les Gladiator Stance. Oui, Gladiator, ça, c'est cool. Ça, c'est fou, hein, Chris? Ouais. Je suis jaloux de mon assistant à tank qui va tanker avec moi dans le raid, là, qui va pouvoir DPSer aussi dans on the side, là. Mais l'affaire, c'est que cette stance-là de Gladiator, tu peux juste la mettre une fois par combat, dans le sens que aussitôt que tu la mets, tu peux pas la changer tant que t'es pas hors combat. Fait que c'est comme pas tu tanks, puis là quand tu tanks pas, tu changes en gladiateur, tu fais full de DPS, tu reviens à tank. C'est vraiment, si tu spec gladiateur, t'es full DPS. Ouais, c'est un spec de DPS, là, carrément. Ouais, mais ça je trouve que c'est quoi de cool là, qu'ils ont fait. Là. Vraiment, c'est juste les places, c'est juste les Warriors. Là. Sauf que ça, c'est vraiment, vraiment nice. Là, parce que le gars, le deuxième tank, c'est juste parfait. Tu sais, le main tank, une fight à un tank, Ben, l'autre, le Warrior, ben, bang, c'est Gladiator, même gear, let's go, pas le temps de niaiser, c'est des pièces. Ça, je trouve que c'est vraiment fou. Puis en plus, c'est ultra fort en ce moment, là. Ouais, c'est cool. Puis comme un peu aussi le druide en 4 formes là, qui ont sorti, qui est super hot, là. Je sais pas c'est quoi les deux autres talents, là, mais si t'es Feral, là, en tout cas, celui-là, il est cool, là. Ouais, Feral, c'était cool. J'ai commencé Feral, ah, puis j'ai changé. Tu te transformes en espèce de chat, de, ben, comme un humanoïde un peu, là. Ouais. Ben, je l'ai fait, je l'ai essayé, cette affaire-là. C'est cool, parce que tu peux caster des heals sans te changer, tu sais. Sauf que, en Feral, quand que tu fais un finisher avec 5 combo points, ça te donne un instant healing que t'as pas besoin de changer de forme. Fait que c'est comme... J'ai pris c'est pas trop utile, mettons. J'ai pris cette affaire-là. Ah, puis aussi, dans Rejuvenation, t'as un Draenor perk qui fait que t'as pas besoin de te switcher de forme. Fait que, dans le fond, moi, je trouve que le talent, il est cool, sauf que ça enlève... Il okay, comme... Je l'ai pas joué, c'est juste qu'il lookait vraiment cool. Ouais, il look cool, pis tout. Mais on dirait que c'est pas fort, là. Ouais, ouais. Ben, ouais. Ben, fait que ça fait pas mal le tour, là, de ça, là. Ouais. Puis là, on est rendu au point que les raids, ils vont sortir cette semaine. Ouais, ouais, ouais. Parce que là, on est lundi. Lundi, le 1er décembre. Puis ça sort demain. Le demain, le 2 décembre, c'est quoi qui sort? C'est Heimal. Puis Heimal, quelle difficulté, JC, sais-tu? Normal et héroïque. Ouais, normal, héroïque. Le LFR, il y a du monde qui voulait le faire. Faut faire qu'attendre à quelle date pour faire le LFR. Je sais pas, la semaine prochaine. Ouais, c'est ça, c'est la semaine prochaine. C'est le 9 décembre. Puis après ça, il y a le Black Rock Foundry aussi. Il va sortir quand, le Black Rock Foundry? Ça, là, ça va sortir au... au mois de janvier. Ouais. Le 1er janvier. Le 27 janvier. Le 20. Oui, c'est vrai. Ça va que c'est quasiment un mois et demi plus tard là. C'est ça. Fait que ça veut dire que Heimal il va sortir puis on a quasiment 2 mois. Ouais. Quasiment 2 mois pour le clearer dans la difficulté que vous voulez avant d'aller dans Blackrock. Fait que ça c'est quand même cool. Je trouve que c'est quand même vite là. Mais en fait, je pense qu'il drop-tu à peu près le même gear? Aucune idée. Parce que s'il drop à peu près le même gear, je pense que c'est peut-être un petit peu meilleur, mais s'il drop à peu près le même gear, faut que tu te retrouves à clearer Heimal pareil. Ben, un peu semaine, qu'est-ce qu'il avait fait avec les deux premiers raids de Pandaria, là, que c'était ouais. Une petite affaire plus fort, mais pas tant que ça. Là. Ouais, j'ai jamais vraiment vécu ça... Les débuts d'expansion puis raid, j'ai souvent raidé en fin d'expansion. Comme au début de Cataclysme, j'avais pas mal juste fait le début, le premier raid. Puis le deuxième, c'était quoi? C'était Blackrock Cavern, je pense. Non, Blackrock Mountain. Blackrock Mountain, en tout cas. Celle-là, là. Fait que comme en début d'expansion, j'ai jamais fait comme toutes les raids qui sortaient. Fait que là on a un raid group, ça marche. Oh ouais, c'est sûr qu'on va les faire. Fait que j'ai hâte de voir ça. Je sais pas à quoi m'attendre. Je sais pas aussitôt que Blackrock Foundry va sortir ou qu'on va être dans Heimal. On va-tu aller tout de suite là-bas? En tout cas, je sais pas s'ils sortent ça trop vite ou pas assez vite. Fait que j'ai hâte. Là. Toi, Ben, là, t'as-tu des mécaniques ou des trucs là, un peu clés des autres expansions, des autres raids, que t'aimerais ça qu'ils reviennent dans soit ce raid-là ou dans les raids futurs? Genre des fights que j'ai aimés à faire de même? Ouais, mais tiens, exemple, moi, mettons, là, un fight que j'ai bien gros aimé dans Siege of Aggrimmar, c'était le Spoil of Pandaria, OK? Autrement dit... Ça splitait le groupe en deux, puis c'était juste comme de la trash pendant 5 minutes. Mais t'avais des petits mini-boss, puis tout. Mais je trouvais ça intéressant, ça changeait la dynamique. Tu t'étais séparé en deux groupes, t'étais timé, fallait que tu finisses avant que. Fallait que tu finisses les deux groupes. Avant que les. Voyons. Fallait que tu finisses de tuer tous tes bonhommes avant que le timer expire, les deux bords. Fallait que tu manages tes groupes comme il faut pour qu'ils soient balancés puis que tout le monde réussisse. C'était cool, tu sais, c'était des bonnes mécaniques. Puis J'aimerais ça revoir quelque chose comme ça, revenir, tu sais, ou si, mettons, un fight que c'est plusieurs personnes, tu sais, 4-5, un healer, un mage, un warrior, que faut que tu tankes, que tu switches, tu sais, on n'en a pas eu dans SOO de ça, mais moi, je trouve ça intéressant, ces genres de mécaniques-là, puis il y en a eu quasiment à chaque expansion, là, fait que... Ça, c'est des trucs que j'aimerais ça revoir. Je suis pas mal certain qu'il va y avoir de quoi du genre là, qui s'en vient. J'ai pas tout checké les boss, là, mais j'imagine qu'il va y avoir quelque chose dans ce style-là qui va sortir. Moi, ce que j'aimerais revoir, c'est peut-être une fight comme Ultraction dans le tas de Dragon Soul. Paisier sur un piton! Parce que j'aimais de ce fight-là, c'est que tu bouges pas tout le long. Là. Tu bouges pas tout le long. Puis c'est vraiment tu heals sans arrêt. Ouais, parce c'est intense. Parce que si tu heals pas assez, ben le monde, ils finissent par mourir petit à petit. Tu sais, puis il faut que tout le temps que ton heal soit bon comme jamais. Puis en plus, tu peux aller te chercher. Il y a 3 buffs qui drop au milieu de la fight. Puis il faut que tu décides qui va les chercher. Ça va être plus fort pour. En tout cas, cette fight-là, moi, j'avais bien aimé ça. Puis aussi, tu savais qui était mauvais puis qui était pas mauvais. qui cliquait sur le petit bouton puis qui cliquait pas sur le bouton. Puis, ce que j'avais aimé aussi, c'est que à ce moment-là, il fallait. Moi, au début, quand on le faisait héroïque, il fallait que tu laisses 2 personnes en dehors, ce qui ne cliquent pas leur bouton. Fait qu'il fallait qu'ils prennent du damage pour pas que, dans le fond, on wipe. Puis, ça, ce que j'avais aimé, c'est qu'il fallait que tu fasses des combinaisons. Ok, le rogue, il peut popper tel cooldown. Puis il va être capable d'en prendre un, tu sais, il mourra pas. Puis le mage, lui, il va être capable parce que s'il meurt, il va avoir son affaire qui va le healer de 20% de sa vie, fait que ça va être correct. Fait que, tu sais, ça, j'avais aimé ça parce qu'il fallait que tout le monde utilise leur cooldown défensif, chacun leur tour, pour pas qu'on wipe dans le fond. Fait que cette fight-là, je trouve qu'on devrait voir quelque chose de semblable, je trouve que ça serait le fun. Puis aussi, Tu me fais penser, là, un truc vraiment cool qu'il y avait aussi dans Dragon Soul. Même si c'était un raid quand même un peu plate, il y a eu des fights nice, un peu comme le fight de Deathwing qui se séparait en 2 fights. Au début, t'es sur son dos, puis après ça, tu le tues. Puis après ça, le fight d'après, c'est que tu le tues vraiment lui, puis ses tentacules, etc. Un boss étalé sur 2, il pourrait aller même jusqu'à 3 fights. Ça serait vraiment écœurant. Mettons, un peu comme dans un donjon de Wrath of the Lich King, que Arthas, il te court après pendant que tu te sauves. Là. Ouais. Mais ça pourrait être lui, il sauve, puis tu y cours après, puis t'as 3 fights à 3 stages différents. Ça serait écœurant. Là. Mettons, ça amplifierait l'épicitude du raid, là, me semble. Là, je pense que la première fight. Kargath, ouais. Il meurt pas à la fin. Ok, je sais pas. Fait que tu le tues pas, mais tu fais comme. Tu, à la fin, tu le tues, mais là, il s'en va, il fait que se sauver, puis il fait comme. Il va revenir, là. Ok, je savais pas. Ah, oh, nice! Ouais, fait que. On va le revoir. C'est peut-être un spoiler, mais. Fait que c'est peut-être la première partie de Kargath. Ah, oh, nice, nice. Fait que, ouais, ça, tu vas peut-être être content. Je vais trouver mon compte. Sinon, y avait-tu d'autres choses? Je sais que tu avais parlé du chess event dans Karazhan. Karazhan, pour ceux qui se souviennent, il y a l'avant-dernier boss, c'est une partie d'échecs. Puis ça, moi, je trouve ça intéressant parce que c'est pas un combat traditionnel. Là. Tu te bats pas avec quelqu'un. Là. C'est vraiment... Il faut que tu utilises des NPC, puis que tu les places à bonne place, puis que tu utilises la stratégie. Puis que, oui, c'est sûr, il y a un petit peu de heals on the side, il y a un petit peu de tanking, mais c'est vraiment juste, tu bouges les pièces et tout, là, puis c'est entre les déplacements, il faut que tu heals et tu tankes les mobs. Mais sinon, c'est vraiment plus de la grosse mécanique qu'un fight traditionnel. Puis... Une fight plus lente, tu sais. Oui, oui, oui. Tu sais, que tu as le temps de penser, mettons, réagir, puis tout. Tandis que, tu sais, d'habitude, on est habitué, c'est que tout le temps, le monde, il meurt tout le temps, puis il y a du feu partout. Mais tu sais, une fight plus lente, là, mais que les choix que tu prends, là, ça va jouer ça. De quoi. Puis ça fait changement, mettons, d'une fight qui est extrêmement intensive sur le dommage ou sur le mouvement et tout. Là, c'est plus de la mécanique pure et dure, tu sais. Ça, j'aimerais survoir ça. Sauf que, tu sais, si ça se passe moins vite, puis que t'as le temps plus de réagir, puis tout, puis là, tu te bats quand même contre un ordi, fait qu'il va sûrement avoir des guides de stratégie qui vont sortir pour chaque, mettons, tu sais, comme dans ce point-là, à chaque pièce, toi, faut que tu fasses 1, 3, 3, 2, 3, 4, 5, ouais, à ouais. chaque seconde, à chaque 20 secondes, puis that's it, tu sais, puis si tout le monde suit ça, tu sais, ouais, mais pour chaque fête, il y a des guides, tu sais. Ouais, il y a des guides, sauf qu'après ça, l'exécution. Ouais, mais c'est ça, c'est l'exécution. Sauf que mais là, on dirait que... Tu sais comme moi que sur papier, souvent, c'est plus facile qu'en vrai, tu sais. Ouais, parce que quand on arrive au raider, on sait tout là, qu'est-ce qu'il va avoir, on sait tout ce que le boss va faire, sauf que on se retrouve à pas être capable de le faire pareil, là. Même si on le sait, là. C'est facile, là, ça. Les mythiques, c'est facile, là. Les gars de PVP, purs et durs, là, sont comme, « C'est facile, là, Chris. » C'est programmé, tu sais qu'il va faire ça. Tasse-toi! Ben ouais. C'est sûr. Sauf que le problème, c'est que t'en as peut-être 20 personnes qu'il faut qu'ils se tassent en ce moment. T'en as peut-être juste un, esti, qui est en train de regarder la télé à ce moment-là. Puis qu'il se tassera pas. Puis là, tu vas être obligé de wiper à cause de ça, esti. C'est pas l'affaire qui est dure. C'est juste de la coordination, le travail d'équipe. Tout ça, ça rend ça plus dur. Ouais, ben... C'est ça. Ben, je pense que ça fait le tour de notre appréciation de l'expansion pas mal. Là. Oui. T'avais-tu un peu une ouverture philosophique ou une petite question pour nous cette semaine? Oui. Avec WoW qui revient à 10 millions de personnes, le jeu a maintenant 10 ans. Wow, ça a 10 ans. Là. Bonne fête! Est-ce que pour le futur des jeux, du gaming, on devrait s'attendre à avoir plus de jeux comme ça, WoW, qui dans le fond vont durer plus longtemps, t'sais, qui vont évoluer avec le temps au lieu de juste plus que ça avance, plus que ça devient vieux, plus que c'est plus bon comme jeu. Là. Est-ce qu'on peut s'attendre à en avoir plus de jeux comme ça à l'avenir? J'aimerais avoir ta réponse. Dans le fond, des jeux qui sortent une fois par année à la Call of Duty, Assassin's Creed, je pense que ça s'essouffle. Le monde sont tannés d'avoir ça en général. Ça a fait son temps. Et déjà, là, je pense que ça commence à arriver un peu, là, ce genre de jeu-là, avec les jeux qui sortent en saison, comme un peu les jeux de Telltale Games, là, les Walking Dead qui sont sortis comme ça. T'as les Wolf Among Us, ils sortent l'épisode 1, épisode 2, épisode 3 à quelques mois d'intervalle. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant. C'est pas en ligne. Mais ça peut s'étirer sur plusieurs années. Là. Puis c'est un modèle que le monde a adopté. Puis à cette heure, c'est rendu normal là, d'avoir des épisodes comme ça. Que moi, je trouve que ça, c'est intéressant. Puis ça peut donner une bonne longévité à certains jeux. Là. Puis c'est sûr que les MMO, ça se prête plus à cette pratique-là. Parce que t'as pas besoin d'avoir un 2 pour avoir une histoire qui évolue. T'sais. C'est pas seté dans la pierre. Là. Tu peux tout le temps faire évoluer ton histoire. Tu peux tout le temps rajouter des niveaux, rajouter des zones. Un peu comme Diablo aussi. C'est des expansions. Tu rajoutes du contenu et tout. Mais c'est faisable. Là, pis... J'ai l'impression que Blizzard, ils font tout le temps ça. Dans leur jeu, souvent, tu as de la progression tout le temps. Puis... Tu te retrouves pas quand ils font un nouveau jeu ou une nouvelle expansion à tout recommencer à zéro. Tu continues où tu étais rendu. Puis si je regarde, mettons, Call of Duty, ils sortent un jeu à chaque année. Sauf que les différences sont-tu vraiment si grosses que ça? Les différences sont vraiment pas grosses. Là. Le Call of Duty, à partir du 4 là, jusqu'à aujourd'hui, ça aurait pu quasiment être le même jeu. Puis à chaque fois, ça aurait été une expansion qui sortait. Tu sais, tu gardes quand même toute ton expérience, ton niveau, tes perks que t'as. Tu gardes tout ça, mais en plus de ça, là, t'as la nouvelle expansion qui est sortie, les nouvelles maps, tout ça. Puis là, t'as d'autres expériences à pogner, mais tu sais, t'as tout ça, là. Tu gardes ce que t'as fait auparavant. Mais c'est ça. J'ai une autre. Ma compagnie de jeux vidéo préférée, là, ben, ma deuxième préférée, en fait, là, ouais. BioWare, ils ont fait de quoi de super intéressant. Meilleure série de jeux à vie, Mass Effect. Ouais. J'en reviens souvent avec ça, là, mais c'est un super bel exemple. Là. Puis c'est pas récent, quand même, ces jeux-là. Là. C'est des jeux qui ont parti dans les années 2000. Là. Puis tu faisais le 1. T'avais des choix, peu importe, tu sauvais telle personne ou pas. Là, le Mass Effect 2 sortait. Il continuait l'histoire aussi qui est sorti. Oui, c'est quand même des nouveaux jeux, OK? Mais l'histoire se suit. Et tu pouvais importer tes bonhommes dans ta game d'après. Les choix que tu avais faits, ça restait... Ça impactait un peu aussi ton histoire du 2. Puis quand le 3 est sorti, c'était la même affaire. L'histoire continuait. Puis là, c'était la grande conclusion. C'était la grande finale. Mais tes choix du 1, du 2, avaient un impact dans le 3... à pas trop grande échelle, mais quand même, ça changeait certaines affaires. Puis ça te donnait une espèce de sens de progression que tu n'avais pas fait les deux autres jeux pour rien. T'sais? Puis ouais. Je pense que ça, c'est un super modèle. Là. Ils ont refait ça avec les Dragon Age. Puis encore une fois, là, la réception était super bonne. Là. Le monde, il aime ça, ça. Puis ça leur donne un sens un peu d'avoir un bonhomme unique à eux parce que ma game puis ta game, ça va être deux games totalement différentes parce qu'on va avoir fait des choix différents. Puis ça, tu gardes sur un modèle. Une trilogie, là, je trouve que c'est un bon chiffre. Une bonne trilogie qui suit. Tu peux amener tes choix, tu peux importer ton personnage. C'est gagnant. Puis je pense que avec Dragon Age et Mass Effect, BioWare ont fait une super job. Là, puis ils devraient avoir plus de jeux comme ça. Ouais, ben c'est ça. Le fait de tout le temps recommencer à zéro, à un moment donné, on dirait que c'est juste comme tu perds le. Ouais, tu sais, il faut que je le refasse encore, la même affaire. Tu sais, comme les Call of Duty, j'en reviens à ça. Là, mais tu sais, tu joues au 5, ok, ah, je me suis rendu level 30, nanana. Le 6, il ressort, tu viens d'arriver level 30, mais Chris, tu recommences, hein, tu sais. Tout le temps que t'as mis là, fait que, ok, on recommence à zéro. Mais c'est quasiment pareil, mais un petit peu différent. Fait que, je trouve que, tu sais, comme les jeux que tu parlais, Mass Effect, puis tout, que tu peux garder tout ce que t'as fait auparavant, que tu te retrouves pas recommencé à zéro, ça, quasiment tous les jeux, je pourrais ou devraient faire ça, c'est quelque chose qui est cool puis qui garde le monde à continuer à jouer aussi là. Ouais, mais ça essouffle pas le monde. Tu sais, prends mettons les MOBA là. Ouais. Ben à chaque game que tu fais, tu recommences au début, tu sais, tu recommences à zéro. Mais c'est quoi qui pousse les gens à jouer à ça pareil, tu sais? Ouais, c'est parce que c'est compétitif. C'est parce que c'est pas le gameplay, c'est tout après à chaque win que tu fais. T'as plus de choses, t'as plus de tu sais, à chaque fois que tu gagnes, mais la game en tant que telle, ça reste tout le temps pareil, t'es pas plus fort vraiment, tu sais. Ça aussi, je trouve, c'est un bon moyen. Non, mais pourquoi, mettons, un jeu comme League of Legends qui roule depuis, plusieurs années, pourquoi c'est encore joué, puis le monde, il se lasse pas de ça, puis pourtant, ça n'a pas une grosse histoire, là. On va s'entendre là-dessus, là. Même, je pense, les Call of Duty, ils ont des pas mal meilleures histoires, là. Mais c'est quoi l'attrait? Tu sais, c'est des jeux qui ont réussi à garder l'intérêt du joueur pendant plusieurs années sans changer drastiquement. Pas de nouvelles patchs, pas de nouveaux contenus, quelques bonhommes ici et là, mais sans plus. Là. Pourquoi il y a encore du monde qui joue à ça? Ouais, c'est ça. Dans le fond, c'est ça, mais. Ouais. Dans le fond, c'est parce que ce jeu-là. On aime ça. Non, je sais, mais c'est ça. C'est facile à jouer, je pense que c'est plus ça. Mais dans le fond, as-tu besoin d'avoir une histoire? As-tu besoin d'avoir de quoi qui suit? Pas nécessairement. C'est juste qu'il faut que tu trouves quelque chose d'accrocheur, tu sais. Mais je pense que c'est ce qui est le fun de ça, c'est que c'est simple. Tu sais, c'est facile à jouer. N'importe qui peut peser 4 boutons puis être quand même bon. Tu sais, c'est facile à... Ben, c'est tough en esti à jouer. Non, tu sais, c'est pas dur à comprendre. C'est pas dur à jouer. C'est après ça. C'est dur. Ben, c'est facile à comprendre, mais extrêmement dur à jouer. Extrêmement dur à être bon. Ouais, ok. Mais à jouer, c'est facile. N'importe qui peut jouer à ça. C'est vrai. Si tu joues contre l'ordi, là, c'est ultra facile. Ouais, c'est vrai. N'importe qui gagne. Mais là, aussitôt que tu joues contre d'autres mondes qui sont moindrement bons, c'est ultra dur. Okay, c'est là que je pense que ça prend tout son attrait parce que le monde, ils veulent se mesurer à d'autres gens et être les meilleurs. Là, je pense que rendu là, c'est juste de trouver une bonne recette. Parce que LOL, dans le fond, ce qu'ils ont trouvé, c'est une bonne recette en. Bien simple, pas trop compliqué, puis des bons. Quand tu finis une victoire, t'as des bons rewards. Tu sais, ça garde le monde tout le temps. Ils veulent tout le temps en gagner une de plus, puis. Fait que c'est de trouver un bon mix de tout ça, là. Puis le style de jeu, c'est sûr que c'est un style de jeu qui est ultra populaire en ce moment. Je sais pas combien d'années encore que ça va durer, là, mais en ce moment, c'est sûr que la tendance, c'est les MOBA, là. peut-être que v'là, le 7-8 ans, c'était les MMO. Ben là, en ce moment, c'est vraiment les MOBA. Les RTS aussi. Là. StarCraft, ça fait une méchant bout de sa roule. Là. Sauf ça, que c'est un genre qui a su garder son audience aussi très longtemps. C'est bon. Ça. Puis StarCraft, ça pourrait. Tu sais, s'il n'y aurait pas le single player, ça serait juste le multiplayer, ça serait aussi populaire. Là. Ben ouais. Ça roulerait autant. Tu sais, fait que l'histoire, c'est pas vraiment important, mais c'est juste que c'est tellement cool. Tu sais, vivre l'histoire à travers ça. Moi, StarCraft, tu sais, je fais l'histoire une fois, je ne le refais plus, par exemple. Là, mais ouais. Tu sais, c'est pas le gameplay qui est le fun, c'est juste toute l'histoire, puis tout alentour. Puis sinon, c'est sûr que le multiplayer, c'est sûr que c'est là que ça chaîne, là, ce jeu-là. On pourrait comme s'entendre pour dire que les jeux qui réussissent à garder leur audience plusieurs années, ça va être soit des jeux qui sont faits sur plusieurs volets, 1, 2, 3, qui suivent, ou ben non, des jeux en ligne compétitifs que peu importe, c'est pas l'histoire qui compte, mais c'est plus ton ranking puis te mesurer aux autres, là. Ben ouais, puis aussi, tu sais, la tendance, là, tu sais, si trois quarts de la planète, trois quarts des gamers jouent à tel jeu, ben, tu sais, en même temps, pour toi, c'est comme, moi, je veux être bon à ce jeu-là, parce que tout le monde joue à ça, ouais, je... tu sais. Tu vas jouer aussi. Tu sais, fait que, si tu joueras pas au jeu que personne joue, parce que, tu sais, hey, moi, je suis bon à ce jeu-là que personne joue, tu sais, tout le monde s'en calisse, mais Chris, si t'es le meilleur à LOL, Chris, c'est hot en asti, là, tu sais. Tu vas avoir comme 250 000 personnes qui vont te regarder. Là, fait que tu as un peu de ça aussi, suivre la tendance. Il y a beaucoup de monde que c'est comme ça aussi, qui choisissent leur jeu, là, veut pas. Là. Mais je t'ai-tu déjà parlé de Final Fantasy? Non, je pense que c'est... Final quoi? Fait que Ben, t'as-tu une question pour nos auditeurs cette semaine? Non, on avait une question, puis on a mis sur Facebook. Oui, faut que j'aille la chercher, excuse-moi, j'ai la feuille, là. Fait que on a eu une... ouais, on avait la question de la semaine, c'était comment que vous allez vous préparer pour leveler votre bonhomme. Fait que on va vous lire les 5 meilleures réponses qu'on a eues. On va y aller avec les 2 meilleures, OK. Top 2. Top 2 parce que c'est ça, parce que les autres c'était de la merde là. Les autres ça étaient pas bonnes. Ça se dit pas à radio. Ouais. Ça se dit pas, t'sais. Faut juste que j'y trouve, là, mais t'sais, on en a beaucoup, fait que c'est comme dur à trouver, là. Je vais les retrouver dans la liste, là. Il y en avait comme... T'as un peu, là, je vais lancer une recherche pour trouver les bonnes. OK, bon. Fait que... la question, comme je disais, c'était quand même que vous alliez leveler votre bonhomme. Puis je la trouve encore pas, fait que... C'est une calice. Tu couperas ce bout-là? C'est un peu long, on dirait que tu cherches sur l'ordi. Question de la semaine. Comment planifiez-vous leveler votre premier bonhomme lors de la sortie de l'expansion le 13 novembre? Fait qu'on a eu beaucoup de personnes qui ont répondu à la question. C'est vraiment cool. Merci d'avoir répondu à la question. En si grand nombre. Il y en a qu'on peut pas dire en onde. Fait qu'on va dire ceux qu'on peut. La première, c'est une réponse d'Alex Lanou. Il dit « Toutes les quests possibles... » pour la réputation et le lore. Fait que on a un lore master ici, Alexandre Lanou. Il aime bien le lore puis faire toutes les quests avant d'arriver au level du sang. Bravo. Puis sinon, on a une autre personne, il s'appelle Joël Fredette. Il dit c'est difficile à dire. J'aimerais beaucoup perfectionner chaque nouvelle zone à cette expansion. Je suis intéressé de voir le développement du lore pendant la suite des quests. En même temps, peut-être je vais juste clencher au travers pendant un LAN avec ma gang. Yeah! Merci les gars pour les réponses à la question de la semaine. Bien sûr, très intéressant. S'il vous plaît, pour les prochaines questions, allez-y mollo. Là, pas tout le monde en même temps. Ouais, pas tout le monde en même temps. Là, on avait comme trop, fait qu'on a choisi les 2 meilleurs. Là, mais les 5 meilleurs, ça serait vraiment hot. Là. Ouais, c'est ça. T'sais. Clin d'œil, clin d'œil. Fait que on a une question pour vous autres cette semaine. Faut juste ma feuille. Toi, t'en avais-tu une? Non, c'était moi. OK. Fait que la question cette semaine, c'est à quelle difficulté de raid pensez-vous raider à cette expansion? Et pourquoi cette difficulté en particulier? Toi, quelle difficulté de raid tu penses-tu? Ouais, ben nous autres, probablement que mercredi, on va commencer ça avec du normal. Question ouais. De tâter le terrain, checker mécanique un peu, relax. Ouais. Mais c'est sûr que, d'après moi, là, après quelques semaines, on va pogner pas mal de gear. On va aller full out dans le normal. Là. Dans l'héroïque, excuse. Je pense pas qu'on va le clearer en normal. On va faire quelques boss, on va se gear un peu, après ça, on va y aller all-in dans l'héroïque. Et éventuellement, mais qu'on ait fini, on va. C'est sûr qu'on va viser le mythique. Moi, j'aimerais vraiment ça en faire. Ouais. Reste à voir si on va voir si le monde. Mais c'est sûr que. Assez de temps aussi. Ouais. Mais le mythique, ça serait vraiment cool. Puis on est capable de le faire, tu sais. Ouais. On est capable, mais pour l'instant, ça va être du héroïque. Ouais. Ben, dans le fond, on est le même raid group. Fait que je pense que la mentalité, c'est pas mal la même. Là, dans le fond, c'est commencer avec normal, voir qu'est-ce que c'est. Peut-être donner un ou deux boss. Mais tu sais, après ça, quand on les a souffert, on va faire comme ah, let's go. Là, on y va full time à héroïque pour on arrête de niaiser. Là, parce que dans le fond, moi, ce que j'aime de quand tu raids, c'est que ça soit moindrement dur. Puis que tu wipes une couple de fois sur le boss, puis que tu sens que c'est dur, puis que quand tu l'as là, avec ton groupe. Oh, c'est nice quand tu l'as là. Ouais, là, t'es content à Chris. Mais tu sais, on dirait que normal, si je me fie à Siege of Grimmar au début, on les faisait, les boss, mais tu sais, c'était pas si dur que ça. C'était... Ben, moi, je te dirais, Ben, le kill que j'ai eu le plus de fun à faire, c'est notre fameux kill de Garrosh à normal. Ouais. C'était le boss que j'ai shaké pendant 15 minutes après, tellement que j'étais nerveux, que ça avait été un fight tough, que j'étais impliqué comme jamais dans le fight, fallait l'avoir. Ouais. Si, je te jure, là, j'ai gueulé dans mon appart comme un malade, puis je shakais pendant 15 minutes après. Là. Puis c'était du normal, puis quand on a retué des boss après ça, héroïque, c'était cool, mais jamais aussi hot que ce boss-là. Non. Fait que, d'après moi, c'est plus tu bûches sur un boss, plus qu'il est hot à tuer, tu sais. Ouais. Mais je trouve que, mettons, pour nous, la bonne difficulté, c'est héroïque en ce moment. Parce que ça va être quand même dur. Il ne faut pas s'attendre à tout clearer full facilement. Non. Puis mythique, ça va être juste comme... Peut-être... c'est du bonbon, mais qu'on a fini de clearer normal. Ouais, ça va être vraiment dur, sauf que t'sais, on va peut-être en clearer un ou deux boss avec t'sais, qu'on aille... C'est en attendant le que l'autre sorte, dans le fond. C'est ça. C'est t'sais, cool. Fait que pour nous autres, le but ultime, c'est battre le dernier boss du raid, mais en héroïque. T'sais. Yes, mythique, ça sera par après. Là. Fait puis, répond, vu que 99% de notre auditoire, c'est notre raid group, les réponses, ils vont être un peu plates, mais bon. Puis là, je veux que tous les gars du raid group allez répondre, s'il vous plaît, sur Facebook, tabarnak, pas juste Joël puis la nous parler. Vous êtes pas game. Vous êtes pas game, tabarnak. Bon, OK. Fait que allez répondre sur Facebook, s'il vous plaît, ce serait bien cool. Puis, on avait-tu d'autres choses pour cette semaine? Ben non, moi, je veux souhaiter à tout le monde une bonne semaine. Joyeux Noël, on se revoit le mois de janvier. Ouais, c'est quoi, on n'en fait pas avant Noël? C'est une joke, c'est parce qu'on n'est pas fiable. Ouais, c'est, non, on en fait une, on en fait la semaine prochaine. Tu sais, on s'excuse, on va refaire un autre la semaine prochaine. 4 semaines plus tard. Bon, on s'excuse aussi. Non, mais j'imagine dans 2 semaines. Mais yes, sir. On va voir comment ça va aller. Là. C'est sûr que quand il va y avoir le temps de Noël qui va arriver, ça va prendre un petit peu plus de temps. Mais moi, j'ai hâte de jaser avec toi de notre expérience de raid aussi. Là. Ouais. Fait que 2 semaines, c'est un rendez-vous. Ouais. Fait que merci beaucoup d'être là. Puis vous savez comment nous rejoindre. C'est la même chose que d'habitude. Fait que merci beaucoup. @WipesOutTrash sur Twitter, WipesOutTrash sur Facebook. C'est ça. Puis comment gmail.com? WipesOutTrash. Gmail.com. WIPESA en commercial gmail.com. C'est ça. Sur iTunes, 5 étoiles. Ouais, 5 étoiles. On s'en fout du rating. Ça nous intéresse pas. Ben non, c'est bien important. 5 étoiles. Si nous donnes 4 étoiles, mange la marde. Ben, mettons 2 étoiles, je suis content. Ouais? Ouais. T'es non, c'est-tu. OK, bye-bye. Bon, OK, bye. À la semaine prochaine. Bye. Hey, salut, là. OK? Salut. Hey, non, toi, raccroche. Hey, bye. Ah oh, non, toi. Toi, raccroche. OK. Ben non, toi, raccroche. OK, ben, bye. Okay. Ben non, c'est beau, là, je raccroche. Là. Bye. Hey, ben raccroche. OK. Bye, je t'aime. Yeah. Zomo.